Salut tout le monde, c'est Dylan. Bienvenue dans la classe. Ça va encore être une émission de ouf ce soir. Je vous mets bien. J'ai des heures de cours gratos à vous filer. Des bons points. Du rap de Chou Bruxelles de ce midi à la cantine. Des bons scuds à streamer et un max de vannes. Comment va trop ce gaulerie ce soir sur Indestar? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, on est que deux, trois? Bon, on est que trois. Ah, on est que trois, j'entends non, personne. Les autres arrivent, ça y est, les autres arrivent. Mais c'est qui les autres et c'est qui nous? Bah c'est nous. C'est nous. C'est nous, c'est le goût. Oui, nous. Ah oui. Non mais attends, j'ai la blague qui vient. C'est Kiki. C'est Kiki. Ah non, j'ai sais pas cette rêve, c'est quoi non, de la télé ça. Encore ça hein. Bah oui, c'est une pub. C'est une pub. Bah oui. C'est la pub pour Jiffy. C'est vraiment c'est Kiki, c'est Jiffy. Ouais. Ah, il okay, a grandi dans une c'est quand vraiment t'as plus d'inspiration, tu trouves ça quoi. Ah. Tu trouves tout chez Jiffy. Bon Amélie. Merci. Mademoiselle Amélie. Merci. J'ai malheureusement perdu Henri cette année. Ah ouais, c'est vrai qu'on a plus Henri cette année, il nous a quitté parce que son contrat de travail de bénévole se terminait. Et on en rit. Et on en rit. C'est drôle. Ah. Par contre, on a récupéré Teddy, je sais pas si on a gagné au change. Ah. Si. Parce que tu peux pas faire de blagues sur Teddy. Oui. Si, si on peut dire Teddy quoi. C'est t'as dit quoi c'est normalement près du niveau de l'émission ouais. De l'année dernière. Ouais. Peut-être que cette on a année, décidé on va d'évoluer un peu cette step, année, ouais. S'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Du coup, ce soir, nouvelle émission. Oui. T'as pas présenté tout le monde, hein. Mais non, mais j'y vais. Ah bon, d'accord. La classe. Oui. Et pour la classe de toute l'année. Ouais. Nous aurons Anaïs avec nous. Bonsoir. Nous avons Théo avec nous. Ouais, ça a pas changé ça. Ah non, il est toujours là. Malheureusement, j'arrive pas à m'en séparer. Nous avons Teddy. Attends, heureusement ou malheureusement. C'est pas la même chose. Elle a dit malheureusement. Bah oui, j'ai dit malheureusement. Dur pour toi. Nous avons Teddy aussi avec nous ce soir. Ouais, salut. Et nous avons la sœur de Teddy. La petite sœur. Ah, la petite sœur. Est-ce que ouais. Tu peux présenter ta petite sœur, Teddy? Elle est petite. Et c'est une sœur. Ouais. C'est une petite sœur. Et on l'appelle comment, petite sœur, non? Pff, truc. Oh. Angelina. Angelina. C'est Angelina. Joli, ou Angé pour les intimes. Ouais. Angé, ouais. Et puis on a Linda qui est là également. Coucou. Bah alors, ouais, je m'incruste un peu. Moi, hein. Petite sœur, tout d'un coup. Hein. Ça, c'est la grande maman. Je vais voir les copains. C'est un peu notre grand-mère. Elle vient nous soutenir pour la rentrée de voilà. Ce soir, c'est ça. Mais elle, t'as raison, Linda. Ouais. Merci, c'est mamie. Ça, mignon. Oui. Mamie. Et tu. Bah. Non, mais toute une question de. Hein, ça dépend quel âge on a. On est d'accord. Comment on se considère, c'est n'est-ce pas? C'est bien, du coup, Théo, tu descends de 40 ans ce soir. Pourquoi? Ah, par rapport. Ah oui, parce qu'il y a Linda qui est plus âgée. Non, bah vas-y, vas-y. Ça prend des bonnes pertes, vieux. Bon, on explique un peu ce. Bah, expliquons ce pourquoi on est là. Voilà. Parce qu'on avait envie de faire de la radio. C'est simple. Du coup, ah la bon classe, on comprend quoi? On comprend collège, lycée, un peu où on veut. Le swag. Cours. Oui, cours. Le quoi? Retour en arrière. Le swag. Le swag. Ah, j'ai la classe. Ouais, j'ai mais le non, swag. Ça c'était à notre époque ça. Ouais, ça à notre époque d'il y a 5 ans. Ouais, ça date un peu. Vous l'avez compris, élève, professeur. D'accord. Donc en fait, on va retourner dans un établissement c'est scolaire, ça. C'est ça? C'est ça. Pour suivre des cours qu'on a déjà normalement suivi il y a quelques années. C'est ça. Avec des professeurs, genre des professeurs bien ou des professeurs comme on avait il y a quelques années. Bah, ça dépend. Des professeurs du privé. Je pense qu'on a un peu toutes les personnalités niveau professeur un okay. Peu, non ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bah il paraît. Enfin moi j'ai entendu, j'ai le principal, là, c'est Monsieur Boulard, je crois qu'il m'a appelé. Il m'a dit bon voilà, je vous explique ouais. Un petit peu. C'est le principal du collège Titi Minet. Aujourd'hui. Ouais, j'aime beaucoup ce collège-là. J'y ai été en t'y étais, toi dans ouais. Une vie intérieure. T'as été renvoyé, je crois, en 5ème. Chut. Ok, d'accord. On dit rien, s'il vous plaît. On garde un peu. Le suspense, ouais. Atinise, on avait marre. Non, mais peut-être que la deuxième fois, ça sera la bonne. Hein. Ouais, on sait pas. Ouais. Et, jamais 203, moi je dis, mais il faut d'abord. Faut d'abord faire la deuxième. Du coup, forcément, vous l'avez compris, on va participer à plusieurs matières. Okay. Avec des points. Quel est... Ouais, le but, c'est d'avoir la meilleure moyenne, c'est ça hein. Bah oui, quand même. Ouais, d'être le meilleur. Ah oui, c'est nul d'être le plus nul. Bah, je sais pas, c'était pas mon but quand j'étais au collège. Ah. Déjà, mon but, c'était d'aller en cours. C'était un peu c'était l'obligation. Un but, ça et de pas redoubler, en fait. Et de pas redoubler. Voilà, voilà. Parce que c'est chiant, sinon faut que tu fasses une année. J'ai échoué en 3ème. Oh, ah merde. J'ai échoué, j'ai redoublé. Ouais. Moi j'ai pas redoublé. Il y en a d'autres? Non. Il y a que Yann qui a un échec. Non, il y a qu'un échec. Ça veut dire que t'as passé deux fois le brevet blanc? Non. Le brevet? Non, j'ai eu du premier coup le brevet. Ah bah forcément. Du coup, tu l'as pas repassé? Non, ouais, j'ai pas repassé. De la première en le prenant deux fois, il l'a bah, eu. La première fois. Et pourquoi t'as passé? Pourquoi j'ai redoublé? Non, parce que je voulais aller dans une école qui voulait que j'ai 16 de moyenne. Et bah la première ou la deuxième année, j'y suis pas arrivé. Mais j'ai redoublé. Mais ce qui était très drôle, parce que forcément, la deuxième année, tout le monde était en train de stresser pour le brevet. Et moi, j'étais là, m'en fous, je l'ai déjà le brevet. J'avoue. Voilà, bref. Ça, c'est tellement doué. Ça, c'est le genre de gars, t'as envie de lui mettre des claques. Tellement doué avec 10 de moyenne. T'es tu. Oui, je sais, j'ai un parcours atypique. Je sais plus quoi dire. C'est bon, t'as fini de raconter ta vie, sinon. Ah non, j'ai des anecdotes par rapport à ça, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Allez, une petite dernière. Non. Ah, là, alors l'anecdote justement sur le brevet. Pas obligé. Tiens, prof de français, deuxième année, d'accord, qui me rend un devoir. D'ailleurs, on va avoir une prof de français ce soir. Très bien. Elle me dit, Théo, ils sont pas les couilles. Je m'en fous parce que ça rentre pas encore dans mon histoire. Elle me rend le devoir de français, le premier devoir de français de l'année, et elle me dit, bon Théo, écoute, si t'écris comme ça, je te corrige pas, parce que de toute façon, si t'écris comme ça au brevet, tu l'auras pas. Ça, je comprends. Et là, je la regarde, je fais, mais madame, je l'ai déjà le brevet. Oh, t'as fait ça. Je t'ai cassé. T'as osé. Oui, j'ai osé faire ça. Oui, oui. Elle est montée à la préfecture, elle a fait annuler son brevet. Non, mais après, tu vois, elle m'a corrigé tous les devoirs sans rien dire. Théo, le brevet. Ouais, peu, hein, mais là, timide, si j'étais censé être timide, mais là j'ai osé la sortir et j'avais bien raison. Oh le rebelle! Ouais! Non, je suis en train de bugger, mais c'est pas grave. Non, vas-y, continue. Non, mais c'est normal, c'est la première, c'est la classe, c'est la rentrée, et ce soir on part du côté du collège Titi Miné. Il se trouve où en France, le collège Titi Miné? Dans le sud. Oui. Il faut parler comme ça, il faut parler le sud. Commencez pas, hein. Ah oui, alors Linda. Les Tolognes. Toi qui connais le sud. Oui. On parle comment dans le sud? Eh ben, on parle, ça chante quand on parle. Ça chante. Il y a les cigales. Ah oui. Et oui, il y a le soleil. Et il y a Patrick Sébastien. Et normalement, on chante bien. Il y a Francis Cabrel. Et on fait tourner les serviettes. Ah bah oui, évidemment. Ça, c'est le sud. Les boules, tout ça. Les beaufs, quoi. Les non, boules. Bah attends. Non, mais la pétanque. C'est moi qui a dit. Tu regardes moi. Ah, pardon. Moi qui a dit les boules. C'est toi qui a dit. Oui, j'ai pas compris. Tu m'as agressé visuellement, j'ai pas compris. Du coup, forcément, collège. Oui. Prof, mais aussi élève. Élève. Et principal. Principal. Donc, Monsieur Boulard, tu nous as dit. Ouais, ce que je propose, c'est que nos élèves du jour aillent voir Monsieur Boulard pour se présenter quand même et qu'il nous attribue, une classe, qu'il fasse, il nous répertorie les noms, les prénoms, tout ça quoi. Ok. C'est parti. Ah bah, soit. On va au collège, ouais. Il y a du monde ici. Eh bien, entrez donc, jeunes gens. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Bon. Vous êtes nombreux à rejoindre notre établissement. Vous avez la voix de Monsieur Burns dans les Ah non, j'aurais dit le maire de la ville, donc. Alors, je le connais pas. Je vous en prie, vous n'allez pas commencer à épiloguer, hein. C'est pas faux, en vrai, hein. Alors, nous avons donc Madame Tommy Anna. Oui. Bien vous. Nous avons Madame Ether Adèle. Oui, présente. Ok. Madame Annex Xena. Oui, c'est moi. Très bien. Monsieur Carlos Roberto. Ah oui, c'est moi. Monsieur Sandri Alex. Ouais, c'est moi, salut. Et Madame Enette Claire. Madame Enette Claire, elle bonjour, est là. Bonjour, très bien. C'est moi. Bon, je vois que l'effectif est complet. Oui. On est tous là. Et vous êtes qui, monsieur? Alors, moi, je suis Monsieur Boulard, principal de ce collège, le collège Titi Miné. Vous l'avez peut-être déjà visité, je l'espère. Un petit peu. Très bien, vous aurez l'occasion d'y savourer quelques heures de cours, puisque aujourd'hui, vous allez étudier l'histoire géo avec Madame Curie. Vous aurez également le loisir d'enseigner, enfin d'être enseigné la musique avec Madame Beethoven. Oui. Voilà. Nous avons également Madame Frog qui vous enseignera les sciences et les vies de la Terre. Très bien. Les mathématiques avec Monsieur le Yogourt. Le latin avec Monsieur Grelinette, puisque vous avez choisi chacun et chacune l'option latin, je le rappelle. Yes. Et nous aurons l'éducation citoyenne et écologique, puisque le temps s'y prête, avec Monsieur Carbone. 14. Voilà votre programme de 5e, puisque je rappelle que vous êtes en 5e et vous serez affecté à la 5e B. D'accord. Parce que plusieurs affaires de meurtre ont fait que la 5e B s'est un petit peu vidée ces derniers temps. Super, c'est rassurant. Voilà. Ah ouais. Alors, je vais vous souhaiter bien sûr une très bonne année scolaire et surtout, n'oubliez pas la devise de l'établissement. Le port d'armes est obligatoire. Alors ça, c'est pour un établissement américain. Là, nous sommes en un établissement français. T'es trompé. La devise de l'établissement du collège Titi Minet, donc discipline stricte et travail acharné, triomphe de toutes les difficultés, n'est-ce pas? Très belle phrase. Oh, il m'a perdu. Ça rigole pas. Ça sera mon épitaphe. Perdu déjà. Je suis déjà perdu. Très bien. Je vous laisse aller en cours de récréation. Vous allez pouvoir en profiter pendant environ 2 minutes. Wow. C'est quoi ça? Ah ben ça c'était la sonnerie. Alors c'est la sonnerie, on peut sortir, on alors, peut s'amuser. Alors tu sais là. Que ça ce sont les nouvelles sonneries parce que nous on avait je sais pas quand t'étais au collège lycée, il y avait certainement la sonnerie. Bah oui, tu c'est pour alors... ça genre je m'attendais à un truc qui déglinguait. Non, maintenant il y a des sonneries polyphoniques. Moi j'ai des trucs super à l'école de ma fille, ils mettent de tout. À Noël, ils mettent un chant de Noël. Oh, trop bien. Ah ouais, c'est fou. Bah vu que c'est polyphonique, effectivement, tu peux mettre tout. Ce que tu veux. Et ça c'est la sonnerie traditionnelle maintenant des établissements modernes, c'est un petit carillon qui va bien, voilà. Alors que tu pourrais faire autre chose en vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire autre chose. En vrai, tu choisis ton truc. Hein. Allez, ouais. Les connasses, tous en classe. Ça serait plus sympa, tu vois. On pourrait. Ouais. Je sais pas si pour la langue française. Mais bon. C'est pas mal. Dans un instant, on ira dans le premier cours, donc c'est oui, ça. Oui, le cours de musique. Ok, très bien. On commence par la musique. Cool. Oui, c'est cool, ça. Cool. Okay. On va avec Madame Beethoven. Vous étiez bon en musique à l'époque. Ouais, carrément. Tu me connais. Bah oui, ouais. C'est. Qui est-ce qui a connu la flûte? Moi, j'étais trop bien en plus. Non, ah bon moi, ah bah pas moi, mais pas moi, mais j'ai eu une flûte, oui. Alors je connaissais rien. Antoine l'a connu. Antoine, c'est le plus vieux. Antoine a connu la flûte. Oui. Ah parce que ça existait pas. Il était dans un lycée pro, lui. Ah ok, et vous avez fait quoi comme instrument? Solfège, bah, c'est rien. Pas un instrument. Ah, rien. Il joue avec de l'air. Non, il chante maintenant. Seule ma voix suffit. T'as chanté? Bah oui, il chante maintenant. Tu sais, d'ailleurs... Je comprends pourquoi t'étais renvoyée. D'ailleurs, je peux vous dire une petite anecdote, s'il vous plaît. Non. En fait, quand j'étais jeune, genre j'étais réservée, et j'y suis encore, tu vois, et j'avais le micro. Le prof, il m'a dit, prends le micro, et du coup, j'ai pris le micro, et en fait, genre, je tremblais comme ça, je chantais, hein, et je me suis mise à chialer devant tout le monde, je suis partie et tout, mais vraiment grosse. C'était en quelle classe? J'ai plus. Je crois que c'était en 5e. En 3e. Parce qu'en 6e, on était ensemble et je n'ai pas le souvenir de non, ça. Non, c'était pas, je crois que ça devait être en 5e. Ok. Enfin bref, on va écouter du coup One Call Me. Pardon? One Call Me. One Call Me. One Call Me. Avec Downtown. Downtown. Ok, et c'est sûr. In the Star. Yeah, bah ça au moins tu sais le dire. Oui. C'est bien déjà. T'as vu? T'as progressé. Daylight turns to midnight, our shadows come and alive to do whatever they wanna do. While you're busy tongue-tied, just use your hands to get by, anything to heighten the mood. When the rain falls and the beat drops, under my skin it's the sweet spot. Summer night crawls and the chills high, we don't use words to lie. I wanna go down, down, down, down, down with you. Want you to go down, down, down, down. Want you to, I wanna go down, down, down, down, down with you. Want you to go down, down, down, down. Want you to. classe, c'est sur Indestar jusqu'à 21h. Comment on fait trop d'heures sup ce soir? Abusé. Eh oui, la classe... Liberté, non. Égalité, fraternité. Non mais t'as le droit de parler, hein, t'as le droit de parler. Qui m'a coupé la parole? Gilles Dor. J'ai un bien beau chanteur qui nous rappelle les valeurs de la République. Désolé, je suis un peu paumé ce soir, mais c'est pas grave, c'est drôle. Attends, je lis bien le titre. Oui, liberté, égalité, fraternité, sodomisée, c'est bien ça le titre de la chanson. C'est les valeurs de la République. C'est très patriote. J'étais pas sûr d'avoir bien. Je me sens patriotique. Et moi, faut que je tienne vraiment à peu près jusqu'à 21h avec vous là. Ouais. Ça commence bien. On est tous dans le même bateau. Hein. Déjà, tu vois, il nous balance ça quoi. Direct. Allez, c'est bon, on est dans le bain quoi. Et du coup, mes camarades de classe là. Oui, alors ce soir, j'ai on rappelle. Attends, 30 secondes. Pardon. J'ai eu un problème d'emploi du temps. Je vous ai dit qu'en fait c'était musique. Ouais. Oh. Mais non, en fait, on part en maths. Ça y est, ça commence. Ah bah non. Oh non, mais tu m'as déçu parce que. Bah oui, mais. Tu les connais ces élèves là ou tu vois, toi tu regardes jamais ton carnet, tu regardes jamais ton emploi du temps, tu les connais pas. T'es sûr d'aller là-bas. Tu suis tes camarades. Et en fait, mais ils se plantent complètement. C'est dans l'autre bâtiment que tu dois aller. Et tu peux pas maintenant avec le Pronote, tu l'as sur ton smartphone et tout. Y'a pas d'excuses. Et bah là, vous avez tous couru vers moi quoi. Je vous ai dit tous en musique. On t'a suivi quoi. Mais non, en fait, on n'a pas couru, on t'a fait confiance. Ouais, en fait, c'est ça. T'as trahi notre confiance. Désolé. Dès le départ, tu vois, dès le début de l'année, ça y est, tu nous trahis quoi. Comment tu veux qu'on te croie? Désolé. Ça va être Hélène et les garçons cette année. Oui, donc on va pas en cours de musique, on va en cours de mathématiques. Oui. Vous étiez bon en maths? Non. Oui, alors j'étais super bonne en maths. Je crois que j'ai eu 16 ou 17 au bac. Moi, j'ai eu 15. Mais à partir du moment où j'apprenais ma leçon. Bah oui, enfin alors attends, je suis bon quoi. Non, mais c'est une certaine logique. Sinon à part ça, en calcul, je suis une brêle. D'accord. Alors que t'étais en bonne en quoi du coup parce que en cours. En rien. En cours de quoi parce que non, mais je sais pas comment dire mais avec les X et les Y. Si je ne connaissais pas ma leçon, bah comme tout le monde, je ne savais pas. Ah non, ouais. moi j'y arrivais. Hein. Ouais, mais toi, t'es une exception qui confirme la règle. Sans leçon, easy. Tu parles. Le mec je a te la jure. Science quoi. Je te jure mais que je faisais des cours sans avoir les leçons. Moi j'étais une intello. Ouais, ça se voit, t'as des lunettes. J'ai des lunettes et j'ai un télo. Après, on lui demande où est Biarritz, ça c'est pas, tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Pas en géographie. C'est à Strasbourg. Ouais, donc cours de maths. Et Linda, on t'a pas demandé, toi t'étais comment en maths toi? Non, mais vaut mieux pas me poser la question. T'étais moi, en vrai. Studieuse. Non, je déteste. Les chiffres, c'est pas mon truc du tout. Ah, moi on j'étais est d'accord, hein. Littéraire, donc moi c'est. Ouais, les mais lettres. T'étais studieuse quand même en cours. J'essayais quoi. Ouais. Ça se voit sur ta tête. D'accord. T'es une élève de première de la classe quoi. Ça sent non, l'élève. Ça c'était moi, mais j'arrivais tout. Jamais la première. Oui. Pas du tout. Eh, j'ai redoublé des classes moi aussi. Je vais faire mon PowerPoint en 12 feuilles. Quoi? Bien on sûr. On a demandé tout à l'heure. Mais j'ai pas voulu vous le dire en fait. Mais oui, moi aussi. Ouh. J'ai redoublé des classes. Bah alors. Mais moi c'était dans les en machin là, en école avant le collège. Ah oui, en études sup. Ouais, non. En élémentaire. Non, en primaire. Ah oui. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Enfin bref, j'ai galéré, faut se le dire. Oui. Et je suis pas allée loin non plus parce que j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. Donc Eh bah écoute, ça se voit pas du tout. Je suis ravie, Teddy. Merci voilà. Beaucoup de ton encouragement, quoi, de ton soutien. Bah, qu'elle a pas 17 ans. Non, je. Tiens, ça y est. Non. Mais non, bon, cours mais de vous maths, je suis prêt à changer, ouais, à refaire mon éducation, si tu veux, et à être le premier de la classe en maths et en toutes les matières. Ouf, ouais, enfin, bah. Alex va être bon en maths, après moi je sais pas. Et du coup, si je me trompe pas, c'est monsieur Yogourt, hein. Yogourt. Ah, le nom déjà lui aussi. Monsieur Yogourt. Mais monsieur Yogourt. C'est monsieur Le Yoncourt normalement. Le Yoncourt. Ouais, mais c'est normal, en tant qu'élève on accroche toujours les prénoms des profs. Ouais, enfin là ouais. C'était et le. Et surtout principal. On peut les modifier parce qu'on a envie, tu vois. D'accord. Ok. T'as pas eu un prof, je sais pas, champion tête de fion tu ou. Tu veux savoir genre le nom d'un non. Prof que j'ai eu, mais ça, il s'appelait monsieur Foch, t'imagines? Monsieur. Et il était prof de SVT? Non, ou... c'était un prof de d'élémentaire aussi. Et mais... moi, j'ai eu Madame Rat. Ouais, oh. Mais on l'a tous eu, on c'est l'a prof tous de maths, eu, celle-là. Une prof doit être... Une case dédiée à Madame Rat. Elle porte son nom. Hein. J'ai même une prof qui s'appelait Madame Flash. Rapide. Comme ton des chat amandes, comme mon chat. Ah, oh, ton chat. Exact. T'as appelé ton chat en hommage à ton prof? Du tout. Non, en hommage à Flash McQueen. C'est... Ah oui. Pas la prof, mais oui. Du tout. Non, certes. Bon, tous en cours, hein. Ouais, c'est parti. Oh là là, les maths. Entrez. Oula, oh, putain, il est déjà agréable, lui. Hein. Elle a été refait la classe, j'ai l'impression. C'est propre. Hein. C'est tout rose. Ah, c'est rose. Bah, oui, c'est... Bonjour à vous, mes chers élèves. C'est le sud. Bonjour. Bonjour. Et salut. Est-ce que vous aimez les maths? Non. Non. Ok. On va bien s'amuser alors. Bah non, justement, parce que je vois, vous demandez, vous aimez les maths, et on a répondu comme ça. Du coup, je me dis, bah non, on va pas forcément bien s'amuser. Alors toi, le gringalet, tu vas t'asseoir à côté du radiateur et tu vas te taire. D'accord. Parce que je sens que tu vas pas passer l'hiver, sinon. Ouais, mais enfin, on est en automne, donc ça va déjà. Ouais. Bah, mets une petite laine quand même, parce que... Bref, du coup, vous connaissez un peu le concept des mathématiques. Ouais, vite fait, quoi. Ouais, 1+1 égale 3. 11. Ouais. Alors JCVD, on va oublier tout de suite. Hein. Moi je suis aware. Pour ce premier cours, j'ai décidé de vous faire ça. Ok. On va partir sur les pourcentages. Ah, connard. Ah, ça mérite une heure de colle, ça, monsieur. Hein. Je... Recommencez ça, mademoiselle. Attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé à son voisin, en fait. C'est pas à vous, monsieur. Oui, c'est... Comment tu t'appelles, toi? Faites attention. Alex. C'est Alex, il m'a scoulé, là. Ouais. Alex, fais attention. Hein. Le radiateur, tu vas l'avoir dans la gueule. Non, soyons un peu de sérieux. C'était pas français ce que j'ai dit. Soyons, c'est pas grave, on est en maths. Ouais, non, mais bon. Techniquement, les pourcentages, on en utilise tout au long de notre vie. Ouais. Bof, hein. Ah bon? Si, pour faire les soldes. Bien vu. Un point. Ouais. C'était la question? C'était... Non, c'était un bonus. Mais bon, effectivement, pour faire les soldes, est-ce que vous avez d'autres situations où vous utilisez, effectivement... La biologie. Pour les promotions en magasin. Non, c'est, bah non, c'est, bah c'est ce que, je viens que tu fais de la patate. Attends, attends, attends. Tu prends mademoiselle, les mademoiselle. Quel est votre prénom? Ou votre nom, n'importe. Claire. Claire, Claire, vous faites de la biologie tous les jours? Bah non, mais peut-être dans mon futur proche. Ou dans son passé intérieur. Elle va peut-être devenir biologiste, monsieur. Claire, vous êtes bizarre, Claire. Et là, j'aurais donc. Dans le shopping. Moi, j'ai un truc. Ouais, on l'a moi, déjà dit, les moi, je crois que j'en ai un. Oui. C'est pour, par exemple, faire la moyenne de la classe, de général de l'année. Non, ça s'appelle une moyenne. Est-ce que t'en fais tous les jours, ça aussi, non, c'est non, mais les trimestres, c'est voilà, pas un pourcentage. Y a pas besoin d'un pourcentage. La cuisine, monsieur, non? Bah non. Hein. Ok, ok, on va passer cette question, parce que là, je sens... Ça sert à rien, quoi. Calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, les maths, c'est facile. T'as trop raison. Arrête de me faire du pied, Alex. Oh, les tourtereaux, ça va, hein. Monsieur, vous pouvez leur dire de se taire, s'il vous plaît. C'est vrai, je crois que je vais les séparer. J'aime bien les maths. Changez de place, mademoiselle. Comment c'est votre prénom? Je te l'ai déjà dit. Ah bon? Bah déjà, redites-le moi, dis donc. On vous voit le professeur. Adèle, Adèle, change de place et arrête de chanter. 22 profs. Bref, souriez, sinon vous aurez des points en moins. Les pourcentages. Donc comme son nom l'indique... C'est pour pourcenter. Oui, un wow, point. Non, je déconne. Je déconne. Mais oui, c'est presque ça. Je suis pas sûr que ce soit très littéraire, mais c'est mathématique en tout cas. Comment on fait pour calculer un pourcentage? Un produit en croix. On multiplie. Un produit en croix. Oui, bien. Mademoiselle, c'est quel est votre prénom? Xena. Vraiment? Oui. Ok. Bon. Ça devrait valoir moins un point, ça, parce que franchement, oui, ça fait c'est vrai Xena. La raison. Normalement, on remplit ça dans un petit tableau comme ça, hop, et on fait un croix comme ça. Je peux pas avoir un point, moi, ici? C'est un produit en croix. Oui, c'est ça. Merci, mademoiselle. Mais j'ai expliqué le fonctionnement. Ouais. Et moi, je peux dire qu'on multiplie et qu'on divise, du coup. Parce qu'il faut multiplier et diviser. Ou c'est un truc comme ça. Produit en croix. Oui, d'accord. Est-ce qu'on plussionne aussi? On plussionne. Qu'est-ce que c'est? On plussionne. Ah, pardon, on plussionne. Ouais, on plussionne. Ah, on additionne. Non, ah, on plussionne c'est ça, pas. Oui, pareil. C'est les neurones qu'il faut additionner là. Non, justement, d'accord. On enlève après. Ouais, si on plussionne pas. On peut enlever. Oui, alors ça dépend. Si on fait justement un pourcentage. On va donner un petit exemple. Oh, non. Bah, oh, non. Mais si. Oui. Bah, c'est, bah, sinon, oui. C'est fini, je vous donne oui. Le contrôle directement. Non, mais allons-y. Monsieur, monsieur. Oui. On peut donner un petit exemple? Bah, il vient de te le dire. Oh. Oui, Alex, je vais donner un exemple. C'est bien de suivre le cours, Alex. Alors, nous allons prendre le chiffre A. Ah, c'est une lettre, ça commence bien. Voilà. Prenons le chiffre 70. Alors, si je puis. A fois 70 divisé par 100. Monsieur. C'est un nombre. Mais oui, c'est un nombre, on monsieur. On fait A fois 70 divisé par 100. C'était pour voir si vous suivez. Ouais. Un point pour... Mais moi aussi, mais... C'est comment? Mais j'ai dit, c'est moi qui ai dit. Là, là, là, là. C'est moi qui ai dit que c'était un nombre. T'as voilà. Dit quoi, Alex? Elle je a juste répété. Parle plus fort, Alex. Et levez la main, s'il vous plaît. Mais le prof, il s'en fout de toi d'abord, ok? Oh, ouais. C'est une discrimination. Oui, Alex. Mais j'ai levé la main en première. Non, on dit la première. Ce que tu veux. 70, c'est un nombre parce qu'en fait, les chiffres, ça va de 0 à 9. C'est un nombre premier? C'est un nombre premier, ouais. Non. Ah. Allez, hop, dehors. Moi, du coup, c'est un nombre dernier. Moi, j'ai dit non comment plus. On faisait le calcul. Le second. Le produit en croix? A fois 70 divisé par 100. Mais j'ai même pas commencé. Mais non. Mais c'est arrête. Ça, la réponse. Mais il a rien dit. Vas-y, donne-moi. Nous avons un article à 70 euros. Oui. Nous sommes d'accord. Une petite robe, tiens. Voilà, Claire, voilà, comme ça, vous pourrez imaginer. Une robe elle à 70 euros. Moi, je la jette pas, hein. Vient de chez Jennifer. Non, c'est moins cher. Bon, trop cher. Hein. Chez Etam, une robe à 70 balles. Vous êtes actuellement en période de solde. C'est moins cher. Bah oui. Exactement. De combien? De 50%. Eh bah, dans ces cas-là, on fait 70... Bah, c'est la moitié. Du prix. Merci. 35. Ça, c'était la facilité. Mais ça dit pas quel est le calcul. 70 x 50 divisé par 100. Bien. Vas-y, non. Répète-le moi pour voir. 70 x 50 divisé par 100. Si, c'est ça, la raison. T'es sûr? 70 x 50 divisé par 100. Oui. C'est bien. 70 x 50 oui. divisé par 100. Alors, j'avais rien demandé, mais... Je peux avoir un peu... Mais en même temps, ça marche pas si elle répond avec les questions avant nous. Elle répond ça, avant même ça. Que vous dites. Moi, je dis moins un point. Ouais, genre, t'as redoublé. Tu connais déjà les réponses, toi. Non, mais j'ai pas dit qu'elle avait un point. Calmez-vous. Elle a juste donné le bon process. Tu as donné le bon exemple. C'est bien, Claire. Vous avez un point. Oh. Non, sinon elle va bouder. J'aime pas les caca nerveux. Mais c'est une blague, hein. Tout le monde répond avant même que ce soit. Ouais, c'est ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas le contrôle. Calmez-vous. D'accord. Parce que je me disais, disons, ça a pas l'air d'être le contrôle. C'est des points qui vont compter pour votre moyenne générale, mais pas spécialement pour le contrôle. Okay. Ah bah sympa de nous le dire maintenant. Hein. Donc c'est pas forcément très utile, vraiment. Non. Ouais. Techniquement, non. D'accord. C'est facultatif. Oui. Alors, si on prend A, c'est le prix de base, donc 70. B, c'est le coefficient. Parce que vous n'êtes pas obligé. Ah non, ça c'est une méthode beaucoup trop compliquée. Oh, je vais vous perdre là. Ouais. Non, je vais vous perdre. On va simplifier. Hein. Nous avons une deuxième méthode pour calculer les sommes. Pas vu la première. Bon, la sonnerie elle va bientôt sonner. Toi, ouais, même, si, pas si, tu peux les pourcentages. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quelqu'un a-t-il une idée sur la deuxième méthode en sachant que cette question est bonus et vaut 2 points? Calculer en croix, comme elle a dit. 70 non, moi divisé par 100 multiplié par machin. Bah on attend qu'il note sur l'étiquette. Voilà, ouais, c'est bien ça. Non, moi je sais. Trop. On sait cool. que 50. On sait que c'est quoi la question? Vas-y, c'est une trop bonne réponse que je t'ai donnée là. Mon point il est où? Comment on fait pour calculer ça? Ta réponse n'est pas. Mais si t'attends que l'étiquette elle soit déjà calculée. Bah si, elle a trop raison. Et comment... de toute façon à la caisse ça calcule en automatique, on n'a pas besoin comment de faire un pourcentage. Comment on fait pour calculer ça? C'est ça la question? Non. La question deuxième. C'est quelle est la deuxième méthode pour calculer. Et bah on sait que 50 c'est la moitié de 100. Oui. Donc on prend la moitié de 70. C'est une ah ouais, bonne c'est réponse, un mais c'est pas ça. Celle-là que je veux. Mais bien sûr, évidemment ça marche aussi avec 25%. 25% qui correspond à 3 quarts. Ok, oh, un ça, quart, c'est faux. Un quart, un quart, sinon on change un tout quart. Par des X et des Y. Waouh, ça j'aime quand on me parle une comme équation, ça. Quoi. Alors Alex, tu tiens le bonbon, Alex. Ah. Une identité remarquable. Allez, vas-y, non. C'est toi qui as remarqué. Une inconnue. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Tu es pas loin, Alex. Qu'est-ce que tu peux me faire avec des chiffres et des lettres? Des X et des Y. Bah, ouais. En fait, on peut faire plein de choses parce que des fois, on fait X et on met des parenthèses et après, on ferme les parenthèses. Oui, mais ça, c'est des pas bon. Ouais, mais ça fait mal à la tête, hein. Non, bah, ça, si. Fait, ça dépend. Je sens que je vais pas... Vous savez quoi? Ce niveau est trop dur pour vous. Je pense que je vais le garder pour les 5e C. Eux, ils ont l'air un peu plus avancés que vous. Bah, on est les B, hein. On va passer au contrôle, parce que je sens que... On aura plus de temps. Je vais en perdre, là, je crois. On n'a pas appris grand-chose pour l'instant, quand même. Hein. C'est pas grave. Le premier qui triche, je le fracasse, hein, je vous préviens. Ce qui compte, c'est que ça soit des pourcentages, plus ou moins. D'accord. Okay. Ou pas forcément, mais bon, c'est des questions faciles. Des est-ce que je peux vous montrer, monsieur, comment on fait un pourcentage? Genre c'est un rond, oui. Ensuite on met une barre et c'est ensuite ça. On me remet un rond et ça fait un pourcentage. Ouais. Oui, c'est bien Alex. C'est un joli dessin Alex. Ah, merci monsieur. Alors, première question. Le chiffre... Mais il faut répondre sur la feuille ou il faut lever la main monsieur? Il faut répondre sur la feuille, attention c'est un contrôle. Hein. On ne copie pas sur son voisin. Tais-toi. Cassez les oreilles. Est-il un multiple de 45? Je croyais qu'on était sur les pourcentages. C'était une question mathématique de base. Okay. 9 est-il un multiple de 45? Oui. C'est une question vraie ou faux? Ah, je croyais que t'avais dit oui pour la réponse. Oui, oui, oui, oui. Mais il faut répondre sur l'ardoise, j'ai banane. J'ai pas d'ardoise, banane. Vous n'apportez pas votre matos en cours? Non, ma maman elle m'a rien donné. Elle est pauvre. Qui est votre maman? Ah. Je suis. Bah, ouais, ouais, ça là, c'est merci, le cas monsieur. Où le prof il dit rien. Donc, oui, tenez, je vous donne du matos. Bah, si, parce que 9 x 5, 45. Mais oui, mais chut. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça la réponse. Bah, c'est pas ça qu'on t'a la demandé. La réponse, c'est oui. Hein. C'est ça, la réponse, c'est 9 non. Bah, 9 non, c'est 45 qui a un multiple de 9. Exact. Un point pour Claire. Genre. Mais du coup, personne n'a un même point. Même si j'ai eu faux. Même si t'as eu faux, ouais, mais t'as trouvé la bonne réponse quand même. Deuxième question. Pas compris. En même temps, si c'était pas oui, c'était non. Oui. Bah ouais, hein, d'abord. Hein. le nombre 25, je me suis embrouillé avec les nombres et les chiffres maintenant. Bon, bref, 25 à combien de diviseurs? OK. 25 à combien de diviseurs? Je vous sens perdu. Je l'ai trop. 4. Eh hey, monsieur, hein, monsieur, et copie sur moi. Mais ah bon, diviseur jusqu'à combien? Jusqu'à 100? Mais non, tu divises. Le, monsieur, bah, ta question elle est bizarre. Hein. Comment ça elle est bizarre? Je sais pas la réponse. C'est tout. Pas parce que t'es nul que c'est bizarre. Hein. Non, je suis pas nul. Non, j'ai pas triché. Non, mais je t'ai vu regarder ma feuille. Mais j'ai pas triché. 25? Bah oui, 1 sur 25, 2 sur 25, 3 sur 25. J'aime bien votre logique, mademoiselle. 0, 1, 25, 5. Je sens c'est pas ça. Je sens que vous êtes artiste. Ah, parce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y a plusieurs. En fait, qu'est-ce qu'un... un diviseur. Un diviseur, c'est un nombre... Qui va être divisé par un autre, mais il faut que le nombre soit entier. Voilà, exact. Oh, mais vous, vous êtes bon, forte, hein. En gros, c'est une division, quoi. C'est plusieurs divisions, et c'est compter le nombre de divisions. En gros, 25 fait partie de la table de 5. Parce que c'est de... parce que si tu fais 5 fois 5, ça fait 25. Ça fait pas 25, il y a juste 5, du coup. Mais c'était ma logique de la question d'avant. Oups, non. Ouais, vite fait. Hein. Avec le 9 x 5, 45. Je crois pas. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Mais du coup, comptez le nombre de diviseurs. Oui, combien 4. Y a-t-il de diviseurs? Ah bon, oui. Citez-les-moi, Alex. Bah, 5, 10, 15, 20. Ça, c'est les... Non, il y en a 4. Il y en a 4. Oh mon dieu. Il y en a 4. Moi, j'ai 0, 1, 5, 25. Faut que j'aille voir le proviseur. Je vais vous finir en dépression. Vas-y, répétez-moi ça. 0, 1, 5, 25. 0, 1, 5, 25. 25. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. Bah ça fait 4 aussi hein. Ah oui, j'avoue ça fait 4 aussi mais bah non, t'as demandé, vous avez demandé, vous avez pas dit le ce qu'il faut comme diviseur. Bah si, vous avez demandé quels sont les diviseurs. Non, elle a demandé le nombre de diviseurs, j'ai dit 4. Il a dit Alex, tu me donneras ton goûter pour tout à l'heure. Quels sont les diviseurs? Comment lui gratte son goûter? Tu vois, elle est dégueulasse. Non mais la question c'était combien il y en a hein, donc ah, oui. J'ai pas entendu, bah 4. Ouais. Combien de diviseurs donc 4. Oui, t'as 4, 4. Mademoiselle au fond. Moi j'en sais rien, je sais pas, je suis nulle en maths. Donc t'avais qu'à dire 4, t'aurais gagné. Ah, Alex 4, il a réclamé 4, son 4. Point, hein, je l'ai vu. 4 4 4 ah, oui. Ouais. Oui, c'est pas marqué. Attends, je marque. D'accord. Comment alors faut noter avant de quand. On verra ça plus tard, mademoiselle. Troisième question. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de familiarité envers le professeur. Ouais, c'est pas vrai. Tu, c'est vous. Pardon, c'est monsieur. Bah, ça dépend. Il accepte qu'on le tutoie. Et je trouve que ça dégage quelque part un peu plus de proximité. Mais non, parce que vous, c'est... Bah, justement. Comme vous et le radiateur. Ouais, mais ouais. Là, je commence à avoir chouchou. Là. Mais c'est elle qui l'avait le radiateur. Mais ils sont à côté, hein, de toute façon. Ils sont pas loin, ils se faisaient du pied. Il y en a deux radiateurs. C'est les cancres au fond de la classe, tu vois. Bon. Troisième question. Attention, c'est un problème mathématique. Ah, c'est pas pour. Oula. Un truc que j'adore. Je faisais ça quand j'avais 3 ans. Vous aimez les problèmes, monsieur? En même temps. Ah oui, j'ai que ça dans ma famille. Si vous voulez, il y en a plein à la maison. Mais en même temps, vous êtes devenu prof de maths, c'est que vous aimez exactement. Bien. Exactement. Mais quel. Notre quel collège. Notre ah collège ouais. Veut emmener 182 élèves. C'est beaucoup, hein. Ah oui. C'est pas mal. En voyage en Italie. Mmh. Pourquoi C'est le problème, L'Italie, c'est pas joli. Forcément vrai. Parce qu'ils parlent latin là-bas. Il prévoit. Non, italien. Mais écoutez, le collège a prévu un accompagnateur. C'est pas beaucoup. Pour 12 élèves. Oh. Combien d'accompagnateurs ont-ils besoin? Je vais vous donner un conseil. Oula. On ne coupe pas les élèves. Bah c'est ça le problème. On ne coupe pas les accompagnateurs non plus. Il y a combien, 182? Moi j'ai trouvé 0,065, c'est pas bon hein. Ça ne se coupe pas. En fait, écrivez-le sur votre feuille sans le dire. J'arrive pas à compter quand j'ai pas trop le vous temps. Vous avez et... un petit peu de temps, j'ai le temps de me regarder une vidéo sur YouTube. C'est ça. Oh c'est cool ça, c'est une radio. Oh une web radio, dis donc, c'est une Nestar. J'écouterai bien ça, dis donc, pendant que mes élèves font des contrôles. Je l'ai, monsieur. Moi aussi, bien. Monsieur, j'ai la non, réponse. Je laisse un peu de temps encore au dernier traînard. C'est bon. Ouais, putain, vous êtes long, hein, enfant. Quoi, vous 19 non, je crois que c'est, non c'est pas 19. Hein. J'ai 16. Moi, j'ai 15. Et toi, t'as fait 16 ouais, parce que t'as fait 1. Bah, forcément. Donc, t'as compté le 1. Bah oui, bah, ça veut dire qu'il faut un en plus. Ah bah, moi, j'ai ah pas ouais, dit ça, mince. Vous avez quoi? Moi, j'en ai mis 9 et on dégage 4 élèves. Comme ça, ça fait que 9 pour 12. D'accord. Alors j'aime bien le concept, mais c'est pas neuf. Mais il y a une histoire de peut-être dégager effectivement. Alex, 16. Vous êtes bon mon petit. Bah oui, je sais. Vous êtes bon mon petit. Oh. 15. Bah non, justement parce qu'il y aura quelques élèves. Il y a 1. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a des élèves. Mais oh, oui, mais déjà on coupe grave. Pas les élèves. Hein, mais il y en a un qui vient pas prendre. Non, mais il vient pas les malades. Mais il faut pas prendre le chiffre le plus proche de la virgule. Et ben faut prendre un prof, un accompagnateur en plus, si tu as un élève en plus. Ah, bah, c'est ballon pour un. Et pour un, tu prends un accompagnateur. Mais ça coûte trop cher. Non, techniquement, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, je crois. Je Après, peut-être qu'il y aura un élève malade. Mais c'est ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y aura des élèves malades. Et pourquoi je suis tombée sur 9, moi? Bah, je vous avoue, je vous retourne la question, mademoiselle. Comment vous te faites pour tomber sur 9? Parce que du coup, j'ai fait 12, un élève, 24, deux élèves, et en fait, j'ai du mal compter. Moi aussi. Ouais. Je pense, ouais. 24, parce que j'ai fait tout pareil et je suis pas tombée sur le même résultat. Alex, c'est pas beau de se vanter. Mais Alex, vous avez un point quand même. Qui donc t'as trouvé 16? C'était 182 élèves. Écoute, moi, je fais des économies. Ouais, c'est vrai, ça coûte pas cher. Mais bon, c'est rappelez-vous, c'est pas un vrai voyage. Vous allez pas partir, hein. Ah bon c'est que pour le problème. Hein. Même pas en voyage. Non. Je voyais trop le pape, moi. Mais le nombre. Putain, je suis perdu. Oui, un nombre, le nombre, monsieur. 574. Ah. Est-il divisible par 7? Là, on répond par oui ou non. Je suis en sur 2. Bah oui. Bah, mettre... C'est oui ou non, effectivement. Bah oui, hein, il est trop. J'ai divisible. Réutilisé ma feuille. Ah ouais, il est combien trop divisible. Combien? Combien? 574. Par 7. Ah, 574. Est-il divisible? 574. Oui. Est-ce qu'il est divisible? Oui. Allez, vas-y. Mais c'est facile. Bah oui, c'est facile. Hein. Bon, faut savoir ses tables un peu, par contre. Hein. Ah bon ah bah oui. Hein. Il est divisible par 7. Donc, vous avez tous un point. Yes. C'est beau. Hop, je Et même que le résultat, point. C'est pas 82 par hasard. Eh ben non. Ah merde. Rien à voir. Mais bon, c'est un point, ça, monsieur. Comment on calcule ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que vous avez tous répondu au hasard ou... Bah, oui. Moi, je me suis dit, vu que la première question, c'était non, je me suis dit, ça va être oui. Tout pareil. C'est une question de probabilité. Maintenant, tu fais une division, c'est tout. Est-ce que, c'était quoi? Est-ce que 514 est divisé par 7? 574 est-il divisé par 7? Parce que ça fait 7, 14, y a un, ça finit par un 4 et c'est 574 aussi. C'est tout? Ça va rien dire ton truc. Ça c'est pourri. Ok, hein. On va oublier le pourquoi du comment. Ou sinon, hein, faut compter 7 par 7. On a mais du coup, on fait 574 divisé par 7. Bah oui, on fait une division. Et si quoi. Ça tombe sur un nombre entier, c'est que c'est. Est-ce que je peux avoir mon point? Oui, oh non. Oh non. Non. Pas. Non, pas d'accord, moi. Non, ça tombe jamais sur moi, non? Oui, non. Comment tu fais pour le diviser de tête d'abord? T'as pas de calculette? Bah, pas de tête, c'est sûr. T'as pas besoin de le diviser de calculette, en théorie, il y a une méthodologie pour la table de 7. Il t'a juste demandé de dire oui ou non. Oui, là... Est-ce que vous voulez savoir la méthodologie? Non, juste okay. Que vous ajoutez les points. C'est bien ce qui me semblait. Parce que là, je vois que vous avez pas ajouté les points et ça se ouais, fait pas. Bah, hein. Parce que tu le mérites pas, c'est bah, t'as des mauvaises réponses. Oui, comment tu veux qu'on passe en quatrième après l'année prochaine si tu mets pas les points? Oui, c'est vrai. J'ai oublié de rajouter certains points, surtout pour les deux élèves, pour Alex et Micheline. Ah bah voilà. Micheline. Oui, j'ai oublié votre prénom. Il est bientôt fini ce cours de maths. Oui, c'est la dernière question. Monsieur. Attention. C'est un calcul que je vous demande. Bah oui, c'est facile ça. Entre parenthèses. Oh là là. 23. Attendez, c'est un division en plus que j'ai écrit. C'est un plus. 23 plus 2. 25. Fermez la parenthèse. Divisé par, entre parenthèses, 14 moins 9. Attendez, hein. 14 moins 9. C'est bon, c'est si tout. Si vous avez la réponse, vous levez la main. Enfin, vous l'écrivez, vous levez la main pour savoir qui est-ce qui est le premier à avoir j'ai trouvé. J'ai déjà un problème sur 14 moins 9. Attends, moi aussi. Moi, je sais pas faire la division. 12, 11, 9. Vous savez ce que 7, c'est mon plaisir 5, en tant que ça fait 5. Claire, vous avez la bonne réponse. Est-ce non, qu'il faut pas le dire, mais d'accord. J'ai la bonne réponse. Monsieur, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de plus et de moins? Il y a une histoire de plus et de moins, une histoire non, surtout une histoire de priorité. C'est ça. Voilà. Donc vous avez tous 5? Oui. Ouais, mais c'est pas juste à mon avis. Moi j'ai 7. Alors c'est pas juste, sauf pour Claire qui a répondu en première, qui a levé la main. Donc vous avez 2 points, Claire. Oh. Mais vous avez tous un point, parce que, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Vous avez dit, elle a répondu en première. Oui. Bah, t'as pas levé c'est une la femme main. Bah oui, on dit, elle a répondu c'est... la première ou elle a répondu en premier. Ouais, parce que on... c'est la... Mais je crois, Alex, que j'ai annulé un de vos points. Mais non, Alex, il a dit qu'on était en cours de mathématiques et pas de français. C'est la vitesse qu'on met en première, c'est pas on répond en première. Non, c'est la c'est entre parenthèses. Tu d'accord, calcules... il a rien compris. La mademoiselle Dufond, puisque vous faites la maline. Quelle est cette histoire de priorité? Je sais plus. À droite. Je sais, monsieur. Ouais, à droite. C'est pas mal, ça. Alex, mais ça s'appelle cocotte de la route. Sais, oui, monsieur. Claire. Alors, on donne d'abord la priorité, ce qu'il y a entre parenthèses. On calcule ce qu'il y a entre parenthèses et après on calcule le divisible. Et s'il n'y avait pas de parenthèses, qu'est-ce que j'aurais calculé en premier? Le plus. Ouais, mais ça annule, non? Retente ta chance. C'est pas grave. Le, bah, le moins du coup. Le divisé. Effectivement. C'est exactement ce que j'ai dit. Les multiplications. Oh. Donc on aurait fait 2 divisé par 14, on aurait fait le reste. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc les divisions et multiplications sont toujours prioritaires. Et en cas, s'il y a les deux, vous faites dans l'ordre. Sauf s'il y a des parenthèses. Les parenthèses, du coup, permettent de faire l'opération en prioritaire. On est d'accord ? Mais ça, tout le monde le sait, monsieur. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de faire le cours de musique. Hein. Et parce que là, ça tombe bien, parce que je crois que ça... Voilà. Ah, ça, c'est un cours qui se termine. C'est cool. Allez, sortez tous. Ah, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Hé, hey, Marie, viens voir, viens voir. Hey, oui, regarde la sarbacane que j'ai fabriquée. Ah, mais elle est grande. Ah bah oui, tu sais, dans le monde de la sarbacane, hein, la taille, elle compte. Hein. Bah, c'est mieux réussi que ta cocotte en papier, en tout cas. Hein. Tu sais que je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, Francis. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sous tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses. Une seule pour laquelle je suis faite. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie, celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous, j'écrirai: je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. 19-21h, comment t'es trop bien tombé sur Indestar. Dylan dans ton flux internet pour te présenter la classe. Et ils sont trop chauds. Ah bah, et on est toujours aussi chaud là ce soir. Bah on est chaud. Ah ouais. C'est la rentrée ce soir, on est au taquet, la classe Indestar jusqu'à à peu près 21h. À peu près. Yes. On va peut-être faire des heures en plus. Des heures sup. Bah disons non, que le cours heures, de maths, j'ai l'impression comme... qu'on avait 2 heures de maths là. Ah ouais, ça fait mal au crâne. Hein. Je sais pas si c'est la matière ou le prof. Et bien sûr, si on veut avoir des élèves qui nous rejoignent, faire une matière avec nous. Ah ouais, on a le droit. Bah oui, parce que finalement le collège il est pas complet. Ouais, il est grand, il y a pas tout quoi, on n'est pas nombreux. Et puis bah, maintenant, tu sais, avec on les, mieux, du coup. On peut faire à distance maintenant, tu sais, en t'es distance, pas obligé d'être en présentiel. Donc si vous voulez faire en distanciel, il y a un numéro de téléphone, Amel. Oui, parfait, Anaïs. 09 70 407 306. Allez, on se renvoie la balle comme ça. Chacun son tour. Et Linda, si on veut, je sais pas, si on veut. On peut aller sur les réseaux. Réécouter l'émission. Si vous voulez chatter avec nous, par exemple, comment on fait? Bah là, déjà, vous pouvez aller sur Twitch. Yes. Voilà, on est en live. Ouais. Voilà. On voit nos salles, non? Non, on ne nous voit pas. C'est voulu. Ouais. Voilà. Bah en fait, on peut pas nous voir parce que c'est vrai que les caméras, ils ont coupé toutes les caméras de surveillance et tout, donc ouais, ils nous ont donc dit bon, bah, c'est normal, la vie privée. Faut... Non mais c'est surtout que faut comment dire, l'autorisation ouais, pour le droit à l'image et tout là. Ouais, toutes les RGPD. Ouais. D'ailleurs, c'est quand on fait la photo de classe ? La photo de classe. Ah ouais, c'est bah, bientôt c'est... la photo de bah, classe. Ouais, genre, ouais, c'est de suite quoi, à la rentrée quoi. Ouais, va falloir que tu te changes. Ouais. Toi, il va falloir que tu te coiffes par contre. Allez, bim ! Je t'ai cassé. Ah, il a plus de cheveux. Bref, on va retourner en cours. Ouais, ouais. Allez, c'est quoi et cette fois-ci, c'est cours de musique. Ah, cool. Ouais, avec madame, comment elle s'appelle? Beethoven. Beethoven, bah normal. Non, Beethoven. Beethoven. Beethoven. Ouais. Ok. Bah allons, allons. Hello, hello, entrez, entrez, mes petits chanteurs amateurs, je vous en prie, restez debout, c'est pour ancrer nos pieds dans l'arbre. Bonjour, oula, madame. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, moi c'est madame Beethoven. On n'oublie pas le Beethoven. Ah, il y a vraiment Beth dedans et Oven, ça. Il y a une pause, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et j'ai toujours voulu être chanteuse, depuis ma plus tendre enfance. C'est pas artiste, normalement. Et du coup, madame, vous y êtes pas arrivée, vu que vous êtes prof de musique? Non, j'ai jamais réussi à percer à part mes boutons d'acné. Ouh là là. Voilà. Et des murs, aussi, avec une perceuse. Non, parce que mon papa, il a une perceuse, et perce bien. Hein. Mais du coup, ça perce. Moins un point. Papa, j'ai rien dit de mal. Attendez, j'arrive. Madame Beethoven, vous avez une voix langoureuse. Merci. On adore. Anna. Sensuelle. Anna, j'ai retenu Anna. Oui. Parce que bientôt, la Reine des Neiges 3 va sortir. Oh, d'accord, super. Libérée, délivrée. Libérée, délivrée. On chante bien, madame. Hein. Comment c'est là Moi, c'est Alex. Roberto. Oui, c'est Roberto. Oui, moi, c'est Roberto Carlos. Je peux vous appeler Rob? Ouais. Merci. Je sais pas. Ça fait trop fille. Ouais, mais c'est bien, les robes. Je crois que... Ah, il y a Xena aussi. Ouais. Oui, c'est moi, madame. La guerrière. C'est la guerrière. C'est ça. C'est ou pas trop. D'abord, je vais commencer à analyser un peu votre vocalise. Ouh là là. Je vous en prie, sur un, attention, un. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Chacun votre temps, chacun votre tour. Chacun votre tour. D'accord. Et après, on teste tous ensemble. À vous. Dépêchez-vous. C'était dégueulasse, ce bruit. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Ouh là là. Pas mal, hein. À vous, Alex. Mi mi mi mi mi mi mi do ta. Non non, on recommence, je vous ai pas dit ouais, ça. Ah bon, d'accord. C'est mi mi. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. C'est mieux. Ah oui. À vous, Rob. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Ah, on tient quelque chose, c'est vraiment du. Mais si mademoiselle. Ah merde. J'ai peur de ma voix. Vu qu'il est en train de muer. À vous, c'est bon, c'est revenu. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. C'est pas mal, c'est mignonné. Je peux le recommencer? Non. Pas la même voix que moi. Et à vous, Anna. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Ça peut rappeler. Elle a pas, ouais. Je suis tremblotante, désolée. Et attention, tous ensemble, 3, 2, 1. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi. La prochaine fois, je m'abstiendrai à raconter des trucs à la con comme ça. Alors, avant de commencer, j'aimerais que vous preniez tous une petite feuille. Ah oui. Interro surprise. Interro. Déjà, premier jour. Tard. J'ai pas interro sur quoi, sur mimi. Et je veux juste que vous me dites, vous me dites. Mimi. Je suis pas prof de français non plus. Je veux juste savoir un peu vos goûts musicaux et quel artiste ou groupe préféré vous avez. Ah d'accord. Donc genre on marque tout de qu'est-ce qu'on aime. C'est ça. Ok. Et vous nous jugez dessus? C'est ça. Bah, j'imagine qu'il faut mettre des trucs genre. La musique. Je sais pas comment ça s'écrit. Mais on peut mettre des genres musicaux? Oui. Ah. J'ai rien qui me vient. Bah, c'est zéro pointé. Ah, d'accord, je vais trouver. Il vous faut combien de groupes, madame? Oh, bah, un. Ouais, un, c'est pas mal. Ok, madame. Ah, j'en ai marqué trois. Moi, j'en ai deux. Ok. Voilà, j'ai marqué. Un. T'es content? Vous pouvez me le lire, ce que vous avez écrit? Oui, j'ai marqué la musique de Babar, les Disney et René La Taupe. T'es pas sérieux, là, s'il te plaît? Bah, quoi? C'est trop bien, René La Taupe. Et bah, ouais. Juste pour la bonne ambiance, Alex, je vous mets un point. Ah, merci, madame. Oh la chance! À vous, Rob! Et les crococos! Moi j'ai mis Lindsay Sterling, David Guetta, Ava Max et BTS. Waouh! On touche le lourd! Tu as copié, toi? Je vous mets un point. Xena. Moi, hey, elle a copié, elle a mis Avamax. Mais moi j'ai mis Pink. J'ai mis Avamax. C'est une couleur ça. Ouais. Ah, t'as fait de l'anglais. Ouais, c'est de l'anglais. Tu te calmes, hein. J'ai mis la chanson française, la musique classique et les chansons Disney. Wow. Bah, si je puis me permettre, la chanson française, c'est pas vraiment un artiste. Hein. Ouais, ah, c'est clair. J'ai mis un genre musical. Oui, j'ai dit un musical, ouais, t'as raison. Tu sais pas parler. Parce que j'ai pas pu choisir, du coup, j'ai mis. Voilà. Très bon point, c'est vrai que du Brassens, hein. À vous, Anna. Ouais, mais moi, je suis sûre que vous connaissez même pas. Si je vous dis Blackpink, ça vous parle? Bien sûr. C'est deux couleurs. En fait. C'est un mélange de Black M et de Pink. Non, du tout, c'est coréen, donc voilà, il faut connaître quoi. Moi, je connais. Ah cool, bah t'écoutes BTS en même temps donc. C'est international hein. Genre elle sait même pas parler anglais, elle se croit trop forte en coréen quoi. Ouais sinon j'écoute Stromae. Ça formidable. C'est trop de la merde. Moi ouais. Je dis ok. Eh tais-toi toi, t'as pas de goût. Pardon. À vous Claire. Beethoven, Céline Dion, Amel Bent, Stevie. Waouh. Y'a rien qui va de la variété qui française quoi. Zéro. Je mets même pas de point. Ah ouais mais ouais faut... On est d'accord, hein. On avait dit de la chanson. Hein. Oui, c'est vrai. Ça se fait pas. Kinvey, c'est pas un acteur. Kinvey, il chante encore. On a dit des chansons. Que pour l'été. Ouais. Attention maintenant, petite. Vous gardez encore vos papiers. D'accord, madame. Et petite devinette. Alors, c'est simple. Lui qui lève le papier le plus vite possible. Le papier ou la main? De la chanteuse que je donne, ou le chanteur. Oui. Aura 2 points. Les autres auront simplement 1 point. Donc genre faut marquer et après oui. On lève le papier. Oui. Ah faut marquer avant parce que sinon je peux lever le papier plus vite que les autres. Non, faut marquer sur le papier d'abord. Attention. C'est une femme, un peu âgée, pour pas dire trop vieille. Linde. Elle est très connue dans le monde. Elle est québécoise. Céline Dion. Elle a. Mais faut pas le dire, vous trichez. Bah ouais, non mais elle a pas compris la question. Oh là là. Vous pouvez quand même écrire. Mais c'est foutu, j'ai perdu du coup. Non, vous pouvez quand même écrire, c'est un point quand même, si au cas où. J'ai levé la main en première, il me semble. Moi je vous refuse parce que vous avez juste marqué Céline. Ouais. Ah, dans mais les c'est temps. C'est trop long à écrire, c'est long. Alors que moi j'ai marqué Céline Dion. T'es nul. Là on ne comprend rien de Céline Dion. Mais je suis dyslexique, j'écris très lentement. Et du coup. Non mais faut écrire vite aussi. C'est moi qui ai trop eu la réponse. Là il y a la moitié, là on comprend rien. Vas-y, si tu chantes, peut-être elle te donne un point. Chante. Chante du Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Non, je crois que je vais plutôt enlever des points là, à ce rythme là. C'était une mauvaise idée en fait. Alors, du coup, le petit gringalet là, s'appelle comment? Alex, madame. Alex. Hop, 2 points pour Alex et les autres ont simplement. Non. Non, Rob. Je veux pas dire, il a pas écrit Dion, hein, il a écrit Dion. On comprend rien. Il a écrit Fion. Mais non, mais Zena. Fion, il a mis un F. Oh. Trop pas. Anna. Trop pas. Bah non, je suis désolée. Un bout d'un moment, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'on ne comprend pas le Céline Dion ici. On a l'impression que c'est un mot. Bon, d'accord. Faut écrire le plus vite possible. Mais dis-moi, Claire, t'as une carrière dans. Dans la médecine. Toubib, non? C'est sûr. Mais on a dit faut écrire. Toubib ou pharmacien? Pas le temps d'écrire mon entier. Ah, bah oui, je comprends. Tu sais, elle a fait un trait à la fin. Et moi, je l'ai dit à haute voix. Ouais, bah toi, t'as rien compris à la consigne, déjà. Et ça, c'est un deuxième devinette. Alors, c'est une personne un peu. Ils l'ont beaucoup critiqué chez Indestar l'année dernière. Qui devait? Presque. C'est un garçon. Ok. Heureusement que l'autotune existe, c'est comme ça qu'on dit l'autotune. Ah, je sais. C'est moi, c'est moi. Ah, bah je suis désolée, il a été. Ah ouais. Autotune, ça va avec Jules. Ah oui, j'avoue. Ouais, ouais, obligé. Alors qu'à la base, c'est donc, trop pas lui. Donc, du coup, Rob, vous avez 2 points. Merci. Alex, 1 point. C'est ce qu'on écoute, le son de la belle. Vous n'avez pas eu le temps d'écrire, non? C'est le son de la rue, ouais. Zena, non. Et Anna a eu le temps d'écrire, je crois. Oui, je sais pas si je l'ai bien écrit, par contre, je crois qu'il n'y a pas le. Il n'y a pas de E, hein. Non, c'est les magasins de vêtements, sinon. C'est moins 1 point, ça. Attention, 3e petite devinette. Alors, c'est un groupe. Ce sont que des garçons. Et si je vous dis Radioactive? Moutonnette. Mais non, trop, c'est pas ça. J'ai mis le premier qui venait comme groupe. Ah si, je l'ai. Tu peux, vous pouvez pas? C'est obligé, on connaît. Mais oui. Je l'ai. Non. Mais c'est un groupe de quoi? De rock? Oui, c'est du rock. Là, j'ai deux. Là, du coup. Ah, c'est moi qui l'ai. J'ai mis une deuxième proposition, madame. Ah mais Radioactive, je chante. C'était Imagine Dragons. Mais oui. Ah mais oui. Je l'ai dit, mademoiselle. Claire, tu l'as gagné votre premier point. Mais moi j'ai gagné un point. Ça se fait pas. Non, je vous l'avais pas écrit. Moi j'avais mis. Ah tu l'as pas écrit. Mais je l'ai dit alors. Pas écrit. Je suis désolée. T'es pas loin. Ensuite, ouais. Un petit baccalaureat, ça vous tente ou pas? Bah non, parce qu'on est, vous savez, madame, on est qu'en cinquième. Hein. Oh. Mais un petit baccalauréat, je vous dis une lettre, je vous demande un prénom un de chanteur. Un bac à sable, c'est bien. Et ça. On l'écrit. Ah ouais. Non, vous, là, vous le dites à voix haute, le premier qui l'a. Ah, d'accord. Okay. On lève la main ou pas? Ça, non, ça va être le bronze. Moi, je dis direct. Ouais, ouais, direct. Moi aussi, direct. Moi, je suis une thug. Alors, si je vous donne, si vous me donnez un chanteur avec la lettre L. Lionel Richie. Lindsay Lohan. Luciano. C'est Luciano. Chanteur. Mais oui, Lionel Richie. Luciano. Oui, Lionel Richie. Trop tard, trop tard, trop tard. Anna, la bonne réponse. Ah, c'est un chanteur de soul. Ouais, je américain. Ouais. Si je vous donne ensuite un chanteur avec la lettre A. Antoine. Antoine. Un chanteur ou une chanteuse? J'avoue. Le chanteur français, Antoine. Antoine, c'est bien. Mais j'avoue que le Amel Bent passe parce qu'elle est aussi. Et Antoine? Vous avez dit chanteur, vous n'avez pas dit chanteuse. Oui, mais Antoine. Chanteuse. Ah bon, qui c'est qui a été le malin pour dire ça, Antoine? C'est toi, qui, là, bah oui. C'est un chanteur français. Moi, je veux un exemple. Je connais pas ce type. Quoi? T'as un exemple d'un titre? D'Antoine? Ouais, parce que c'est bien Attends, beau. Attends, les opticiens! Non, ça c'est pas un titre! Ça, tu triches! Je l'ai plus là, mais. D'accord, ah ouais, tu sais pas en fait. Ouais, hein. Si, je connais, attends. Et le petit dernier, un chanteur ou une chanteuse avec la lettre E. Ah, Tyrann! Mais comment mais ça s'écrit avec. Ah, elle a dit ça avant qu'elle vrai, donne non, la question. Non, en vrai, dès qu'elle a commencé à donner la consigne, j'ai commencé à chercher de plusieurs chanteurs. Ah ouais. Je comprends pas comment elle peut être aussi réactive. Mais écoutez, j'ai au moins à peu près un bon élève. Hein. Mais c'est un jukebox cette fille. En fait, depuis le début, j'ai c'est le Ed Sheeran. C'est vrai qu'elle fait la taille. Non, mais en vrai, sur le. Non, mais attends, depuis le début, j'ai le Ed Sheeran. On te croit. Je me dis, sors un. Oui, bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, t'es dans mon cours de musique. La mer noire. Ah. C'est la bon, mère. Et bah les amis, je vous dis ciao. Ah, on n'a pas de devoir, madame, pour la prochaine fois, madame. Non, j'aime pas les devoirs, donc je vous en donne pas. C'est mon principe à moi. D'accord, madame. On va faire des la la la la la la. Ouais, on chantera la prochaine fois. On va essayer de chanter la prochaine fois si je me suis pas fait virer avant, parce que apparemment j'apprends rien à mes élèves. Ça va. Alors, vous êtes la plus forte, madame. Ouais, vous êtes sympa. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on c'est dégage. Au revoir, madame. Au revoir. Entrez, je vous en prie. Oui. Bonjour, jeune fille. C'est la gastro, j'imagine, comme Gaston. Pas du tout. Non, c'est pas la gastro. La grippe aviaire, peut-être. J'ai Géronima qui est passée tout à l'heure avec sa poule. Elle était là. Côte, ça, c'était pas de peau. Enfin, si ça, c'est ce qu'ils mangeront au dîner. Je pense que vous venez pour une addiction, hein, comme la petite Léa qui souffre d'une pneumonie. Vous connaissez la pneumonie? Pas du tout. C'est comme la pneumonie, mais sauf que c'est différent parce qu'elle mange des pneus. Bref, vous venez pour quoi? Pour une excuse. Une excuse? J'ai pas envie d'aller en cours, donc je vous donne une petite excuse comme ça, ça va passer crème. D'accord, bah je suis tout prêt, c'est ce que j'ai le plus des excuses de toute façon. En plus, j'ai vraiment bobo, monsieur. D'accord. Madame, je sais pas trop. Maman, c'est madame. Pardon, excusez-moi. Ah oui, quand madame. Même, ça se voit. Il y a de la barbe. Alors allez-y, je vous écoute. En fait, je vous explique. Oui. J'ai Toitouane, mon hamster un peu obèse. Oh. Hier, je l'avais dans les mains. Oh oui. Et en fait, il est tombé. Oh. Sauf que j'ai marché dessus. Oh, oh, oh. Et en fait, pendant son dernier soupir, il a fait caaaaaah. Et en fait, quand il a ouvert la bouche, il m'a mordu le doigt de pied. Oh, oh, oh. J'ai bougé la rage. C'est quoi, l'a réécrasé? Il est mort. Est-ce que vous pouvez vérifier mon doigt de pied, du coup? Attendez, j'enlève les chaussettes. Ah, attendez, il y a une touffe de Toitouane encore. Il est mort? Oui. Oh. Moi, je vous donne l'excuse, hein, je sais pas, je... C'est une histoire émouvante. Hein. Merci, merci. Et puis, je vais vous donner des cachets également pour mieux dormir ce soir. Et pour éviter la rage aussi. Et pour éviter la rage. Oui, ça donne la rage, les... C'est jamais. Faut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein. Je vais vous donner des Doliprane et puis des Xanax. Merci. Ouh, parce que j'ai ça en stock. Ah, on y va très loin, Xanax, quand même. Hein. La dépression, tu sais. Ah ouais, c'est clair. Ça va dépressuriser, ça c'est sûr. Je vous souhaite une bonne journée tout de même, mademoiselle. Merci. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas? Pas de problème, je vais sur indestar.fr rubrique podcast ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant? N'exagère pas quand même. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale! Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. Le direct, indestar.fr. Les podcasts, indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne, indestar.fr. Les infos sur les émissions, indestar.fr. Les vidéos, indestar.fr. Les infos artistes, indestar.fr. Le café du matin, indestar.fr. Une voiture diesel, indestar.fr. Des lasagnes au poulet, indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. C'était un beau remix American Boy de Liu Feo sur Indestar. Et c'était Estelle à la base. Tu te rappelles de ça, de ce titre-là? Oui, Estelle. Bien sûr, c'est connu. Yo les frérots, Dylan en live dans la classe sur Indestar. On fait des heures sub ce soir. On termine à 21h. Et ouais. Presque 20. On va manger des putain brocoli, li, li, des brocoli, li, li, brocoli. Ah, on fait un peu de musique encore. Mais elle me prévient pas. C'est pas bon les brocolis. C'est vrai que c'est pas terrible les brocolis. Si ça va, il y a pire. J'ai horreur de ça les brocolis. Ah si les brocolis, les choux verts et tout. Mais si, mais faut bien les cuisiner. Bah ouais, c'est ça. Toujours pareil. Oui, bah enfin. Bon, toi, tout ce qui est vert, de toute façon, hein. C'est pas en faux. En tout cas, je la trouve pas très compliquée comme niveau. Non, parole. Ça va. Pour, des brocolis, li, li, brocolis, li, li. Des brocolis, li, li, brocolis, li, li. Brocolis, li, li. On est plus en cours de chant, hein. Non, on va retourner au collège ce soir, n'est-ce pas, Mel? Oui, oui, on retourne dans le collège City Miné avec qu'on... En classe de 5ème B. Je perds ma voix. Ouais, c'est vrai que déjà c'est le père Foras. Ah ouais, c'est clair. Arrêtez, j'ai imité Monsieur Boulard. Alors oui, Monsieur Boulard qui était le, qui est notre principal. Et puis on a été donc en cours de maths. On était en cours de musique et là on va aller en cours d'éducation citoyenne écologique. Oh là là, rien que le nom. Je sais même pas ce que c'est. Donne mal à la tête. Bah, c'est une matière qu'on n'a pas eue nous parce que. Éducation civique. À notre. Si, éducation civique. On va dire que c'est de l'éducation civique mais version moderne parce qu'à notre époque le plastique c'est fantastique. Maintenant plus. Ouais. Donc maintenant il y a de l'éducation écologique. C'est parti. Allez, entrez les petits loups, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, jeunes gens, comment ça va? Ça va. J'entends rien, comment ça va? Ça va. Génial. Aujourd'hui on va parler du développement durable, c'est génial hein. Ouais. Je savais que ça allait vous donner. Youpi hurra. Ok. Sébastien va nous donner cours. Alors évidemment, on peut pas parler de développement durable sans parler d'industrialisation. D'accord. Quelqu'un peut me donner une définition d'industrialisation? C'est tout ce qui est neuf. Faire des trucs automatiquement sans créer humain. Créer des choses. Il a dit quoi le petit loulou? Automatiser des mouvements humains par des robots. C'est pas mal. Ouais, bah ouais. Alors, des robots ou pas, des machines disons. Hein. Voilà. C'est mélanger de l'ancien et du récent comme pour les meubles industriels qui coûtent la peau du cul. Vous êtes pas du ça, tout. Ça, c'est du rétro vintage. Vous êtes pas du tout. Hein. Alors, l'industrialisation, ça a commencé à partir du 19e siècle. Tiens, je vais vous demander de marquer sur vos ardoises 19e en lettres à bâton pour voir si vous êtes pas trop con. En chiffres romains. En chiffres romains, exactement. Je suis imbattable. Est-ce qu'il est là, Romain? Il n'y a pas de Romain. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, là on a bon. Et là on a bon. Oh putain, j'en ai oublié un, moi. Et là on a pas bon. T'as écrit 13. Non, j'ai pas triché. Alors. Tu connais rien, j'en sais rien, moi j'ai jamais fait. Il y en a qui ont jamais été. Qui ont jamais connu de Romain? Non. Okay. Elle a mis quoi, Xena? T'es jamais parti en Italie, moi? X111. Oula, c'est des poids qui comptent en notre moyenne. Alors, ça va compter pour la moyenne, exactement. Oui, tout à fait, ça compte pour la moyenne. Mais c'est pas de l'écolo. De l'éco, ça. Comment ça, c'est quoi? Du latin ou je ne sais quoi? Je m'en fous, c'est mon cours. Ok, d'accord, très bien. On n'est pas en histoire. Hein. Alors, l'industrialisation, c'est génial parce que ça permet d'augmenter les échanges, ça permet d'augmenter les outils, les moyens de transport, le confort. Genre, on prend son bain quand il fait 35 degrés dehors, c'est génial. Mais ça a aussi des limites puisque ça détruit tout. Eh ouais! Alors imaginez, je suis la nature. Je suis contente hein, parce qu'il y a des papillons, voilà, il y a des papillons, il y a de l'herbe, il y a des glaciers, il y a des. Alors, il y a des hommes qui me titillent un petit peu, mais genre, ça va, tu vois. Et d'un coup, là, paf! Nuage de fumée noire, bulldozer, tutti quanti, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis tout mort. Très bien? Alors au début, ça nous va, hein, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on est en train de faire, on est là, progrès. Progrès, voilà, très bien. Okay. et puis vient le début de la prise de conscience, et là qu'on commence à se dire, bah, et développement durable. À votre avis, ça a commencé quand la prise de conscience? Parce que c'est les années 50, Greta Thunberg. Les années 60 ou les années 70, vous allez me le marquer sur votre ardoise. On se dit, oh, dis donc. Alors j'ai quoi? J'ai les années 70, 50. Elle a quoi la petite dame? 70, tout le monde a bon sauf la petite dame. C'est les années 70. Ouais, un peu tard déjà, j'ai envie de vous dire monsieur. Pardon? Un peu tard, j'ai envie de vous dire monsieur. La prise de conscience. Hein. J'ai pas dit que c'était la bonne période, j'ai dit que c'est là où on a commencé à se dire tiens, oh, la nature, il faudrait la protéger. Les hippies, les pattes d'éléphant quoi. Exactement, vous avez fait mes 68 vous. Hein. Oui, ouais. Du coup, qui c'est qui a eu bon? Eh bah, tout le monde sauf la petite dame. Sauf Anna, c'est ça? Claire. Non, c'est Claire. Non, c'est moi, Anna. Pardon, j'ai tenté. J'ai perdu au loto, comme on dit. À votre avis, vous allez bien m'écouter là. Quelle est la meilleure définition que je pourrais donner du développement durable? Vous allez marquer A, B ou C sur votre ardoise, d'accord? Est-ce que c'est le fait de penser aux besoins d'aujourd'hui et à ce que mes enfants auront demain? Est-ce que c'est de prévenir le risque d'extinction des espèces et donner plus de place à la nature? Ou est-ce que c'est développer des produits qui dureront plus longtemps dans le temps pour éviter les gaspillages? À votre avis! Pam pam pam! Qu'est-ce qu'elle a marqué là? Elle a fait un C. Un B, un C, un ABC, un B, ah, et vrai. Un C. La bonne réponse était le A. Ah, mais bon, bah, tout dommage. On va voir que le reste sont aussi des problématiques et des solutions qui vont dans le du sens coup, du développement. Est-ce que c'est un quart du point? Alors vous avez fait le logo du développeur, on dit ah ma petite dame c'est bien, ça vaut un point. Oui. Ok. Mais moi du coup j'ai un quart de point. Mais arrête, t'as mis toutes les réponses toi, tu parce que tout est bon. C'était un peu trop facile. Et c'est un tiers de point. Non, j'ai dit que effectivement le reste rentre dans une démarche de développement durable, mais c'est pas la définition même du développement durable. Voilà. Donc le développement durable, hein, qu'on soit bien d'accord, il doit répondre aux besoins du présent. Genre on bouffe, genre on chie. Oui, aussi, alors là, ça vaut moins un point, je suis désolé, mais bon. Vous faites pas caca, monsieur ? Bah non, mais on peut pas parler comme ça en cours. Ça pollue. C'est pas parce que moi, je peux me permettre que vous pouvez me permettre. Oui, mais monsieur, en un sens, il a raison, c'est écologique. Après, on le réutilise pour les chiens. Allez, ça y est, je vous en mets pas de points. Allez, je vous ai fait peur, hein, d'accord. Il est un peu fou, ce prof, en vrai. Hein. Bon, genre, on bouffe, mais on doit avoir aussi des conditions de vie sympas. Mais cela dit, ça doit pas compromettre, ça doit pas affecter les futures générations. Parce que l'idée... c'est de transmettre un monde qui soit en même temps vivable, c'est mal barré, viable et reproductible. Vous avez marqué d'ailleurs sur votre ardoise ce que vous entendez par reproductible. La définition reproductible, ouais, ou le bah mot oui. reproductible. Bah ce que ça veut dire quoi. C'est pas mal. Non mais t'es pas sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à jouer à sexe de marquer. Oh là là, le niveau. Je vois peu se reproduire, alors c'est un peu léger ça. Quoi augmenter... augmentation du nombre de natalités, de nombre de naissances quoi. De naissances, très bien. Elle a marqué quoi, t'as la fois fini. Attends. Ok. Moi tu vas pas pouvoir lire monsieur. Sans fin. Ouais, sans fin. Bouf. J'ai marqué faire des enfants tout en prenant du plaisir. Alors ça c'est bien. Ouais, ils ont tous parlé. J'accepte sexe et faire des enfants. Là là. Et vous avez marqué quoi? Augmentation du nombre de naissances. Ouais, bon, c'est pas mal, allez, j'accepte aussi celui-là. Ouais, un ouais, point, ouais, hein, ouais, un point, hein. C'est pas du tout ça. Ah, c'est faire des gosses quoi. Oui, voilà. Bah augmentation du nombre de naissances. Bah, ah non, ça c'est reproducteur, monsieur. Ouais. Reproductible, c'est l'acte de, c'est l'acte d'être potentiellement reproducteur. Ce qui amène. Alors, vous allez pas me la c'est faire la leçon, c'est moi qui vous fais la leçon. Ce qui amène au nombre de naissances. Voilà. Bon. Et est-ce que vous pensez, que vos parents ou vos grands-parents vous lèguent un monde vivable, viable et reproductible? Non, mais ils ont passé les couilles. Ils se reproduisent au moins. Vivable. Moi, ils m'ont dit qu'ils allaient chasser le kangourou en Australie au 4x4 diesel. Ils voulaient un monde vivable. Ils voulaient un monde vivable pour nous. Ils ont pas vrai. Tu crois vraiment tes parents, ils t'ont légué un monde vivable? Non, ils sont pas trop. Non, ils le voulaient. Ah, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Non, ils savent même pas mettre les produits recyclables dans le bac jaune. Ah, bah ça m'étonne pas. C'est pas bien. Et je le fais pas non plus. Délire. Ah, l'exemple. Bon. On vous serait sûrement. Il faut virer ce prof. Non, mais ce qu'il faut se dire. Je vais le dénoncer. Ah, ce qu'il faut se dire actuellement, c'est que vous serez certainement les derniers de l'espèce et vous allez souffrir. Ah, bah, moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, je dis quand même. Ah, bah, merci. C'est voilà, vrai, vous êtes vieux, vous. On va revenir, bah oui, un petit peu. On va revenir sur le développement. Hein, parce qu'on parle pour notre gueule, mais est-ce que vous pensez que ça s'est industrialisé partout pareil dans le monde? Bah non, on n'a pas tous les mêmes moyens. Hein. Voilà, alors je vais vous citer 5 provinces, sans vous dire d'où c'est. Hein, Afrique. C'est pas une province, l'Afrique. C'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Afrique? C'est pas moi. C'est Zena. Non, c'est Zena, c'est Roberto. Ah bah Roberto, vrai. Bravo. Hein. Roberto a une voix féminine. Donc, bah oui. C'est clair que... Je vous donne 5 provinces. Je fais mieux, là. Vous allez marquer celle, et peut y en avoir plusieurs, hein, où vous pensez qu'il n'y a pas trop d'usines là-bas. Est-ce qu'on peut mettre juste A, B, C, D, E? Ouais, vous pouvez. Parmi les propositions que vous nous faites. Et il y en a combien? Exactement. Je vous en donne 5. Il y en a au moins une qui n'est pas trop donc, d'usines. À partir d'une bonne réponse, c'est bon. Alors, j'ai le Nord-Pas-de-Calais. J'ai la Californie. J'ai le Limpopo. J'ai Ayacucho. Et j'ai la Bavière. Mais il y en a qui n'existent pas là. Si, ils existent. Bah oui, la Bavière. Bah les trois derniers. Non, je me tais. Mais non, les deux premiers déjà. Est-ce qu'une bonne réponse suffit à avoir. Alors Attendez, la question, c'est là où il y en a le moins ou il y en a le plus? Il y en a le moins. J'ai dit qu'il n'y avait pas trop d'usines là-bas. T'écoutes pas, t'es mais du coup, vous m'avez toujours pas répondu. Est-ce que même une seule bonne réponse justifie le point? Ça vaudra. En fait, j'ai un problème, c'est que je me rappelle plus de la question. Ouais, la deuxième, c'est la Alors, j'ai. Mais la question. Les trois dernières. La Bavière et voilà. Ayacucho, il y a beaucoup d'usines. Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il a marqué, le petit loup? J'ai oublié la dernière. Moi, j'ai oublié. C'était Bavière. Mais la Bavière, c'est Hélène en Bavière, non? C'est comme la Creuse, ça. Alors, allez-y. Non, je l'écris pas. 3, 4. 3, 4. Ok. 2, 3, 4. La 3. Et... il y en a une que j'ai loupée, moi. Vous avez marqué le Limpopo et la Bavière. Alors, il n'y a que Roberto qui a les bonnes réponses. C'était le Limpopo, il y a Ayacucho. La Bavière, c'est en Allemagne. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'usine en Allemagne, vous? Non, mais dans la Creuse non plus. Oui, mais ça vaut un demi-point, vous m'avez dit. Oui, un demi-point, allez, si vous voulez. Bon. Il y a un demi-point pour Anaï, pour Micheline. Oh, mais vas-y, moi j'en ai deux, quoi. Moi c'est clair. Non, non, non, non, c'est faux, fallait pas marquer tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de me marquer tout. J'en ai pas mis deux, et moi j'ai deux points. Ouais, mais fallait pas être trois. Oui, mais oui, vous avez pas dit s'il y en a une de bonne, c'est bon. Si, j'ai dit que ça faisait un demi-point simplement. Bah, j'en ai deux de bonnes. Alors, effectivement, Limpopo et Yakucho, ils ont pas de chance parce qu'ils ont pas pu profiter d'un max de confort. Par contre, ils auront les mêmes conséquences comme tout le monde. C'est pareil que moi, ils ont perdu au loto, les gars. Oh, c'est ballot. Ils vont mourir. Allez, on va parler du développement durable. Il repose sur trois piliers, le développement durable, d'accord? Sauf que moi, je vais vous en donner quatre piliers. Ah mince. Eh, bah, et cinq, ça fait lisse là. Il y a un intrus. Qu'est-ce qu'il raconte, Lout? Je raconte, toi. Alors, à votre avis, les trois piliers du développement durable, est-ce que c'est le pilier économique? Ça veut dire que je continue à vouloir que la population mondiale s'enrichisse. Ah, c'est à tourneur, ça. Et là, faut qu'on en choisisse trois? Non, non, là, j'ai dit qu'il y avait un intrus. Pas. Ah, d'accord. On m'écoute, s'il vous plaît. Il y avait Xena aussi qui avait pas compris. Bah, donc, ouais, moi, j'ai pas compris, je suis dans le flou. Écoutez-moi. Pilier économique, ça veut dire que je continue à vouloir que la population mondiale s'enrichisse. Le pilier social, où je vais lutter contre les inégalités dans le monde pour que les gens aient le plus possible les mêmes conditions de vie que ma pomme. Non, c'est tout. Le pilier environnemental, où je vais chercher à mieux gérer les ressources pour les futures générations et qu'elles ne meurent pas trop. Ou le pilier géographique, où là, on va mettre un point d'honneur à préserver les zones les plus fragiles, que ce soit les forêts ou les pôles. J'avais le pilier de barre aussi, mais celui-là, vous le connaissez, c'est Bébert, il gratte au loto, il est content. Eh, hey, monsieur. Alors, monsieur, c'est quoi la question, en fait? Alors, après, on me dit qu'on est con. Il avait répété en plus. Vous, c'est zéro, d'accord? Quoi? Ok, alors j'ai la B, j'ai la A et j'ai la B. Bah, personne n'a la bonne réponse, c'était la D. Ah, merde, le pilier géographique n'existe pas. Mais. Bah, ouais, je sais bien. Je suis pas en géographe. Eh, ouais, je sais bien. Allez, on va bientôt terminer le cours parce que là, il se fait pas tard. Ouais, il faut qu'on aille à la récré, nous. Alors, à votre avis, c'est le rôle de qui? De proposer des actions sur ces trois piliers. Il y a plusieurs bonnes réponses. Je vais demander, tiens, à la petite. Le président de la République. Xena. Oui, c'est Xena, oui. Le président de la République, bah non, ça marche, une bonne réponse. Non, mais j'ai rien suivi. Hein. Roberto. J'ai pas compris. Quel est le rôle? Enfin, c'est le rôle de qui de proposer des actions sur ces trois piliers? Donc de faire en sorte de préserver la nature. Elle est plus là, madame. L'UNESCO. L'UNESCO, ça marche, très bien, un point. À votre avis, vous? La petite Anna, c'est ça? Non, c'est moi, Anna, c'est toujours moi. La petite. Comment s'appelle? Comment qui s'appelle là? Je te le dirai pas comme ça, tu pourras pas. D'accord, bon, elle s'appelle comment? Adèle. Adèle. Alors, Adèle, c'est le rôle de qui de préserver la nature? Bah, les écologistes. Les c'est écologistes, waouh. Greta Thunberg, c'est monsieur. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez, ça marche. Merci. À vous. L'UNU? L'UNU? L'Union des Nations Unies? L'UNU, sérieusement. Je crois que c'est l'ONU, hein. Alors, c'est... Non, l'Union des Nations Unies. Ah, c'est l'O. C'est l'ONU. C'est l'ONU. Ça marche pas. Moi, j'ai le ministre de l'écologie, du coup, lui. Doit le ministre de l'écologie, mais alors je vais aller plus loin parce que. Le gouvernement. Il y a le gouvernement, mais il y a les collectivités, il y a les entreprises, il y a les ONG, il y a les civils, il y a c'est tout le monde en fait. C'est le rôle de tout le monde. Il y a la monarchie, monsieur. Quoi, la monarchie? En plus, j'ai failli. Vous êtes républicain. Non, mais vous avez forcément vous dans votre famille et vous. Ouais, vous faites forcément des gestes pour la planète. Non. Ne me dites pas, vous faites rien. Ah non, sinon je vous en colle une, hein, attention, je suis comme ça, moi. Non, j'avoue que moi je fais rien, moi. Faites rien, genre. Ah si, je donne mes déchets à mes poules. Et bah voilà. Voilà. En gros, tu fais caca dans le poulailler. C'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui font des gestes écologiques pour la planète. Bah, on trie les poubelles. Bah, vous triez les poubelles. J'ai pas un point là. Non, moi je le fais pas. Non, il y a pas de point à gagner. Je siphonne des réservoirs d'essence pour éviter qu'elles roulent. Je sais. Il faut pas mettre le chauffage plus que 19 degrés. Ça, c'est les lois du gouvernement. Mais on se les pèle quand même, non? Un peu. Ouais, ouais. J'ai pas dit qu'il fallait suivre tout non plus. Hein. Faire attention de pas mettre n'importe quoi par terre dans les rues. Prendre une douche. Hein, prendre une douche. Bon, ça, c'est pas écologique. Ça, c'est pour pas que. Prendre un bain. Ton copain, il sent que tu pues. Moi, monsieur, nous, on utilise l'eau des puits pour la chasse d'eau, les toilettes. Ah ouais, c'est pas mal. Et ouais, pour arroser le jardin. Par contre, pour doucher, c'est pas terrible, hein, ça sent. Et quand on se brosse les dents, on laisse pas l'eau qui coule. Quand on se brosse les dents, on laisse pas l'eau qui coule. Parce qu'il faut se brosser les dents. Ouais, mais attention, tu nettoies ton dentifrice que t'as encore sur les dents, hein, tu y penseras. Non, c'est pas du dentifrice. Si vous devez pas l'avoir fait souvent, c'est plus de dents. Bah, vous êtes. Eh, mais c'est écolo, hein, comme ça j'ai pas les brossés, j'ai pas utilisé d'eau. Ah, ah c'est vous n'avez pas pensé à ça. Ouais, ouais. Et vous mangez pas. Monsieur, c'est l'heure. Allez, je vous ai mis sur l'ENT vos travaux pour la prochaine fois. Hein. C'est trois fois rien. Vous allez me fabriquer une éolienne grandeur nature. Allez, salut, dégagez. Au revoir, monsieur. On a fini dans 10 ans. Oh, il était chiant ce prof là. Ouais, on va aller manger à la cantine. Ouais, ouais. Faim, d'ailleurs, il y a quoi à manger à la cantine? C'est quoi tu le connais menu, le menu Je crois que c'est. Ah, c'est un peu bizarre, c'est steak frites, je crois. Ah, bah ça va. Steak frites. Ça ouais, va, à la base. Et en dessert mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Mais alors, mousse au chocolat, encore ok, mousse au chocolat, hein, parce que j'adore la mousse au chocolat. Par contre, le steak frites, ah, je suis vegan, moi je mange pas de steak. C'est dégueulasse, c'est. Oh, bah, c'est écolo, remarque, de pas manger de viande, c'est bien. C'est écolo, hein. Ouais, mais bon, je crois que ça va mieux passer avec un peu de musique. Ah, tu oui. Me proposes quoi? Ah bah directement, tu connais la musique Summer Bang Mend? J'ai rien compris. Mais désolé, c'est mon MP3 qui a bugué. Ouais. Summer Hand. Vas-y, passe-la au pire, on va voir ce que ça donne. Mais c'est de Aguara. Vas-y, on va écouter, on va voir ce que ça donne. C'est à quel temps, Dylan? Au passé, madame. C'est au passé. Allez, faut que je retourne en cours, moi. Tchuss et bonne bourre. Eh oui, nous. Non, c'est bon, y en a plus là. J'ai pas eu. J'aime bien les vannes de notre petit animateur junior sur la radio du collège. Il est mignon. Il est mignon. Du coup, nous, on va continuer les cours encore? Ouais, bah. Parce qu'il est pas encore l'heure, il est pas encore l'heure. Du collège dans lequel nous sommes ce soir, le collège Titi Minet. On se demande bien qui a trouvé ce nom de collège, hein. Franchement, bah, la référence. Bah, c'est. Je sais pas, il existe depuis 1962, je crois. D'accord. Ce collège, bah, on te voit, D'accord. Voilà. Dans le sud. Dans le sud. Sud de la France. Ouais. C'est pour ça que les murs étaient roses. Exactement. Enfin, ils étaient pas roses, ils étaient rases. C'est vers Narbonne. C'est Narbonne. Ouais. Narbonne. Qu'est-ce que tu connais de Narbonne? Moi, je connais Narbonne Accessoires, c'est un magasin de pièces de camping-car, je sais pas pourquoi. D'accord. Ouais, moi, je connais Narbonne, je vais aller visiter la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, tu as ta meilleure amie qui habite là-bas. Yeah. Cool. À Saint-Marcel. Voilà. C'est parce qu'ils ont chaud. On est en cinquième ce soir. Hein. Ça vole pas haut. Hein. T'as pas dit que c'était une émission pour les aviateurs. Hein. On y va? Et oui, on va faire un cours de SVT, je crois, maintenant. C'est ce qui est marqué sur notre emploi du temps. C'est pas Madame The Frog ? Frog. Frog ? Ah. C'est comme les comme grenouilles. Comme Grenouille, quoi. Ouais. Ah bah d'ailleurs, ah, bah, voilà. Génial. Oui, entrez, dépêchez-vous. Toi, tu frappes, toi. Bah, elle a fermé la porte. T'es trop une ouf. Moi, je la défonce. La prof ou la prof ? Bonjour, madame. Les deux. Bonjour. Bonjour, dépêchez-vous de vous installer. J'ai pas que ça à faire. Elle a rien d'autre. Eh, taisez-vous, il y a la prof. Pardon. Bonjour. Je suis vraiment désolée, madame. Bonjour, madame Croix. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Croix. Aujourd'hui, nous allons faire un cours que vous avez certainement déjà eu en 6e, parce que j'ai pas eu le temps de faire un cours de 5e, parce que j'avais la flemme. Ah oh bah super. Nous allons voir vos connaissances sur vos cours de 6e. Et c'était quoi les cours de 6e? Parce que moi, je me rappelle l'année dernière, j'ai fait plein de trucs, mais je me rappelle plus de qu'est-ce que j'ai fait. Ça compte pas ce que tu fais en dehors de la classe. On s'en fiche. Nous allons faire un cours sur le squelette, le corps humain. On dit skeleton en anglais. Madame, oui. On va pas ouvrir une grenouille avec un... Disséquer une grenouille. Ouais, ça, là. Non, un scalpel. Non, le squelette, on a dit le squelette humain. Putain, c'est quoi qui chante? Il y a pas un truc? Non, ça, nous ferons ça en fin d'année. Crazy Frog. Crazy Frog, oui. Je vais tout de suite faire enlever votre sourire. Nous allons faire un contrôle surprise. Ah, merde. On peut disséquer Alex? On peut copier sur les autres? Si vous voulez, mais dépêchez-vous. On est sûr non, que la réponse ça se fait trop fort. Elle a dit qu'on avait le droit. Non. Vous avez le droit, oui. Même dame. Du moment que je suis payée. Alors, vous c'est prenez une feuille. Oui, c'est ça y est. Ça fait. On marque notre prénom, c'est bon, on a un point. Si vous le connaissez, et la date oui. d'aujourd'hui. Et la date, ça va. Ah oui, la date. Si vous le connaissez aussi. Alors attends, c'est marqué. On est le, je ne sais plus. Le 12 octobre. 12 octobre. Alors 12 octobre. Comment on écrit octobre? Je crois que c'est ENT parce qu'on est le 12. C'est ça, ils sont plusieurs. Écrivez le chiffre, ça ira plus vite. On n'oublie pas le 2022. 2022. 20, avec deux deux alors du coup. Avec oui. Deux. Enfin, y a ça trois, fait deux. Quatre. Ça y est, dame, on a tout bon. Alors, je vais commencer par la première question. C'est mieux, hein, parce que souvent, des fois, il y en a qui commencent par la dernière. Alex, chut, laisse la prof, la maîtresse parler, la professeure. La maîtresse. Professeur. Madame, il est chiant. Je peux lui mettre un coup de tête balayette? C'est ma maîtresse. Alors oui, alors sachez que je ne suis pas payée à l'heure sup, donc j'aimerais bien que ça aille assez vite. D'accord. Ça veut dire fermer vos gueules, ça. C'est ça. Alors, je vais vous demander combien d'os a le corps humain. Ah, on nous l'avait déjà c'est fait, c'est un QCM. En oh étant... bébé ou adulte, parce que les bébés ont beaucoup plus d'os que adulte. Les adultes. Oui, parce que c'est du cartilage, c'est pas formé encore. Adulte. Bah si. Il y a des oui, propositions, mais madame. Bah non, trop pas. Moi j'ai la bonne réponse. Non, Il y a c'est un QCM, donc il y a 4 réponses. Ah bon, bah on avait écoute rien, t'as on avait déjà la réponse, nous on n'a pas besoin des questions. Nous on est trop fort, nous. Bon, tu les donnes tes. Alors, oh, A. 350. B. 251. C'est 206. Comme la voiture. Ouais. Exactement. Mon papa, il est 206. Ou D, 232. J'aimerais bien. C'est vrai? Non. T'aimerais bien avoir une 207? Ah non, c'est Roberto, 206. Faites voir votre nom. Il est là. C'est un peu flou sur mes feuilles. Vous avez tous bon, c'est ça. J'ai un peu de gribouillage sur mes feuilles. Alors, moi, j'ai marqué quand même que ça varie un peu parce que c'est 206, mais des fois, c'est un peu 205, 206 ou 207. Ça dépend. Oui, il y en a qui sont mal formés, c'est pas très grave. Et puis, ça dépend aussi pour des enfants. Ah, mais non, on a dit adulte. Quelqu'un, c'est. Ok, autant pour moi. Un bébé, combien a-t-il d'os? Il en a dans les 350. C'est pas dans les. Moi, j'irais 251. Non, il en a un peu plus, mais. Roberto, c'est une bonne réponse, mais vous auriez pas triché par hasard? Non. Non, on en a déjà parlé, je me rappelle. Bah, elle l'a dit surtout en première. Ah, c'est qu'en fait, il a un petit frère et il s'amusait à lui casser tous les os un par un pour savoir combien il en avait. Il a toujours 350 os. Il regarde toujours 350. Bah, du coup, 700 maintenant, vu que tu les as brisés en deux. C'est vrai. C'est une bonne réponse, Roberto. Mais vous savez quel est le 207e os que des gens ont et que d'autres n'ont pas? Ouh là là. Le côlon, Christophe, je crois qu'il en a. Non. Mais non, tout il monde a un colon, colon, je pense. Ouais. Le coccyx. Le ménisque. Le ménisque. Oui. Ah, c'est pas Obélix, ça? Ce n'est pas un os. Hein. Non, c'est son chien. C'est pas Obélix. J'ai oublié l'os. C'est dans le genou. Oui. Ah, mais si, mais c'est un os. Mais pas du tout. Mais si, c'est un cartilage. Quand tu te fissures, oui. C'est un cartilage. Alors, le cartilage, c'est de l'os, hein, mais. Ouais, enfin. Bon. C'est bon, je suis prête. Deuxième question. Ah, d'accord. Alors, deuxième question. Est-ce que, Alex, est-ce que tu peux te décaler un peu, que je me pose un peu? Ouais, d'accord. En moyenne, la masse du squelette représente quel pourcentage dans le corps humain? Oh, pas mal quand même. Hein. 35%, 30%, 20% ou 25%? Moi, je mets ça parce que... Attendez, j'attendais. Madame, vous avez une balance? Moi, j'ai mis 30 parce qu'apparemment, c'est pour ça que je suis obèse. C'est qu'en fait, je suis inondée. Ouais, genre, t'as les os gros, quoi. Je suis, non, c'est que je suis inondée, c'est que je contiens 70%. Est-ce qu'il y a 25%? Donc 30 euros. Oui, 30, il y a 25%. C'était 25? Vous avez tous faux. Oh! C'était 20. Ouais, mais moi, je suis... Mince. Mais moi, je suis particulièrement maigre. Et du coup, la masse des os... Toi, t'as pas 30, toi, t'es toi, sûr, toi, hein. t'as 33%. Non, 53%. Et quelqu'un pourrait me dire la masse de l'eau dans le corps humain? 60%. C'est bien. Je l'ai dit. C'est 60%. Oh, je l'ai dit. Ça dépend. Non, c'est plus près des 60%. C'est vrai. Ouais, c'est plus près des 70%. Et je l'ai dit avant. Elle a dit qu'elle était inondée. Oui, parce que j'avais 70%. En réalité, c'est 68%. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas posé la question. C'est un bon point. Allez, bim. J'ai répondu à la question aussi. Pour les deux. Pour les deux. Bon, d'accord. Bon. Bah, pas dire la réponse. Elle triche un peu. Hein. Je suis trop bon en SVT, moi. Quelqu'un fait du cheval ici? Oui, moi j'en ai fait quand vous j'étais jeune. Le cheval. Je montais des chevaux. Le cheval, c'est génial, il paraît, ouais. Le cheval, c'est génial, ouais. Et le galop. Est-ce que quelqu'un peut me dire, le squelette humain est quasi identique à celui du cheval? Oh, pas trop quand même. Quel os possède-t-on en plus que le cheval n'a pas? Non, toi tu repenses en plus au singe. Le métatarse, la clavicule, la phalange, ou les phalanges, ou la rotule. T'imagines la clavicule, tu vois ton cheval et tu fais « Hey mon pote !» Non, c'est là la clavicule. Ça fait mal. Non, c'est pas là la clavicule. C'est où la clavicule? C'est au pied. Bah, c'est derrière. C'est où la clavicule? J'en sais rien. Si, c'est à l'épaule. Là, mais là. Rotule, c'est pas un os. Je sais pas comment ça s'écrit. T'as écrit quoi, Alex? J'ai marqué les phalanges. Ah ouais, avec un feu peut-être. Bah. PH? Non, je sais pas. Ah non, un F. Avec un F? Ah ouais, je sais pas. Avec ah EN après. C'est une mauvaise réponse. C'est pas les phalanges. C'était les, c'était les métatarses. C'est une mauvaise réponse. Vous êtes mauvais. C'était les métatarses. Anna et Roberto ont la bonne réponse. C'est de la clavicule. Merci, merci. Bah, moi, le cheval n'a pas de clavicule. Genre, un cheval, il a des phalanges. Ouais, il a... Oui. Oui, le cheval a des phalanges, oui. Moi, je connais un cheval, il avait pas trop de phalanges parce que. Parce que c'est pas un cheval. Mais c'était fait casser. Il avait été amputé. Oui, c'était un. Du coup, il a plus de phalanges. Et le cheval tronc, eh ben, il galopait beaucoup moins bien. C'est une saucisse. D'accord. C'est un hot dog. Tout bête. Un hot horse. Du coup, on en a fait des steaks. S'il vous plaît, un peu de calme. Oui. Après du steak et du boudin. Quel os nécessite. Je n'ai perdu ma question. Quel os n'existe pas chez l'humain? L'ichion. Ah, c'est vrai que l'ichion. Acromion. Moi, j'en ai deux. Oh. La patella ou les capidius? Ah. C'est une colle que je vous pose. Non, c'est une question. On veut pas dans de colle. Effectivement. Je pense que c'est patella parce que. Ouais, ça sonne bizarre. Hein. Bah non, il existe. Non, celui-là. Je crois qu'il existe. Oui, et c'est celui-là. C'est lui qui. C'est un contrôle, Roberto. Mais c'est. Veuillez vous taire. Alex, on s'est planté, j'ai l'impression. T'es là? Non, pas t'es là. Non, bah non, je suis pas là. Mais hein. C'est patella, c'est a cappella. Mais non. Alors, cappella, c'est a cappella normalement, c'est ouais, avec un a. Alors, non, c'est le capidus qui n'existe pas. Oui! Je savais qu'il existait le mandemella. Il est où le patella? Le patella, c'est la boule que vous avez devant le genou. Ah, oh, super! Ah, oui. Ah, c'est non, celle c'est qui bouge, qui me fait grincer les dents. Mon papa, il a plus de boule devant le genou. Sûrement. Donc, il a plus de patella. Il s'est fait opérer et du coup, il a un genou en fer. Mais du coup, ça prouve qu'il en a deux boules en haut parce qu'il a réussi à t'avoir. Mais il les a peut-être perdues après. Une seule suffit. Hein. Madame, comment on appelle un chanson boule? Un quoi? Un chat castré? Non, il a dit un Jean. Un chamboule-tout! C'est un gars qui n'a plus d'unité. Parce que j'ai un frère qui. Ah bah j'ai un frère qui a plus d'unité. Oh le pauvre. Okay. Pauvre homme. Cinquième question. Oui. Le tarse fait partie de. Le quoi? Le tarse ou le tarse? Le tarse. Le tarse. La tarse ou tarse. Moi je connais le tarse. Je ne suis pas prof de français. Tu me sers une tarse? De café? Le tarse. Ou les métatarses, comme vous voulez. Ah, les métatarses. Ça parle mieux déjà. Hein. Pas français. Oh, pardon, moi j'avais compris. Bon, vas-y, la question c'est quoi? Fait partie de la colonne vertébrale, des pieds, des mains ou du genou? C'est évident que c'est le genou. Je pense que ça fait partie J'hésite de la en... colonne. Non, pas du tout. J'hésite entre les mains et les pieds, moi. Et du coup, votre réponse ? J'ai mis les mains. Échec. C'était les pieds. Ouais, oh là là. J'ai bon ? Oui ! Un point. Je suis vraiment nul. Anne, j'ai bon ? C'est une histoire du genre au niveau des pieds, là c'est les tarses, là mais c'est en vrai, les, t'étais pas les métacarpiens. Ouais, t'es pas loin en fait. Les mains carpiens, les pieds tarsiens. C'est trop dur votre truc, hein. Bah on n'a pas dit que c'était facile l'école, ça, hein. Ça me tu connais pas ton corps, hein. Y a que... Vous n'avez qu'à y a écouter. Y'a ton kiki que tu connais. Vous n'avez qu'à écouter en sixième. Alex. Pas beaucoup de bonnes réponses, moi. Sixième question. Combien possède-t-on de vertèbres ? Ça dépend, hein. 33, 35. 31 ou 34. Je crois que c'est un chiffre impair. C'est une bonne réponse. Tu sais ce que c'est un chiffre impair, c'est déjà. C'est pas un multiple. Oui, c'est mais un, non, trois, parce que c'est pas, c'est pas des, c'est non. C'est moi pas, j'ai c'est marqué 33 parce que ça sonne bien. Ouais, moi aussi j'aime bien. Je fais comme moi, Alex. Moi, il me semble qu'on a une côte de plus que l'autre sur un côté. Roberto, vous avez n'importe copié. Quoi. Bah si, si, si, c'est à 33. Au hasard, mais je sais c'est pas à 33. Écouter. Alors vous avez tous bons sauf Claire. Oh, c'est nul. C'était 33. Ça devient une habitude. Ressortez-moi les maths. Claire, vous auriez dû redoubler. Merci. Bon, on a pas, moi j'avais pas de biologie l'année dernière en 6ème. C'est le squelette humain. Tout le monde connaît le squelette. Bah non. Tu devrais casser les os de ton frère, comme ça tu verrais. C'est très instructif. Ah, et ici nous avons le tibia. Pardon. Dernière question, toujours en rapport avec les vertèbres. Combien a-t-on de vertèbres cervicales ? 6, 7, 8 ou 5 ? Attendez, je me les fais craquer. Ah, ça va. 1, 2, non, 0. Ah, oh, c'est quoi ça comme... C'est pas Mission Impossible ? Non, c'est James Bond. 0, 0. 7. Voilà la quête. Comme les vertèbres. Quête. Je pense que c'est 7 du coup. Vous avez tous faux, sauf Alex et Hannah. Yes! C'est bien 7. Bah, j'ai mis 6. Talin, talin, c'est 7. Ta-la-la. Ta-la-la. Et vous, c'est pas Anna, vous, c'est Claire. Et Claire, elle a mis 6. Il est possible qu'il y en a qui n'en aient moins, mais dans ces cas-là, ils sont mal formés, ceux-là. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, mais on est fait comme ça. Il faut avorter à la naissance. Ou plus tard. Avant la faut naissance. Faut faire le tri avant. C'est pour ça que t'es moche. Hein. Ah, t'es méchant. C'était cool votre Alex, cours, madame. Arrête, Moi, j'aime bien votre cours, madame. Je vais revenir. Ouais, on rigole. Bah ouais, mais je trouve que j'ai pas trop de bonnes réponses non plus. Mmh. On fait quoi, madame ? Ah, c'est la récré, on y va. C'est la fin du cours. Vous pouvez y aller, je ne fais pas d'heure sup. Au revoir, madame. Dépêchez-vous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine, madame. Bonne soirée, madame. Au revoir, madame. Mangez bien, madame. Bonne journée. Madame. Oh, ta Alex. Gueule, Alex. Suce-boule. Oh, je suis pas mécontente d'avoir été là. Ouais, c'est vrai, c'était plutôt... Ouais, c'était cool. Non, moi, j'ai bien aimé. Je pense que je vais avoir une bonne moyenne en SVT. Hein. Mais tu rigoles, je préfère mater des séries que d'apprendre mes cours. Ah bah, vu ta... Ouais. T'as regardé tu vas regarder quoi, toi ? J'ai regardé Game of Thrones. Ah, trop bien. Vous savez, avec les dragons ouais. et tout, là. Ah, j'aime pas trop Game of Thrones. Mais j'aime bien les dragons. C'est une trop bonne série. Mais ouais. Ah ouais ? Bah jamais tu vu. Sais pas bah ce qui est bon. Bah, mais c'est nul. Tu rates quelque chose. Une bonne série. Une bonne. Moi, tu sais ce que je crois, les dragons ? Non. Je connais Imagine Dragon. Ah. On je connais le titre Bones de Imagine Dragon. Mais non. Bah si, c'est comme les os. Mais le monde est petit. Le monde est... On a 206 os. Tout est lié, oui. Ah, merci Alex. Tiens Alex, le Mars est là. Du et coup, ça repart. Tu connais la reprise de Marcella de Bones? Non, pas encore. Bah vas-y, on écoute. Vas-y. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Ah, et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Film, série, jeux vidéo, manga, musique, c'est Peak Avenger sur Indestar. Toute la pop culture, des infos et des délires à vivre chaque jeudi dès 21h en direct sur Indestar. Salut, c'est Linda. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix ? Je suis animatrice sur Indestar dans Vita Conso le vendredi soir. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence. Même pour toi, venez, entrez dans la danse. Indestar, là où tout commence. Thank you. Indestar, Indestar. Là où tout commence. Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in a bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Waiting till the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? I got this feeling. Yeah, you know where I'm losing all control. Cause there's magic in my bones. I got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. Cause there's magic in my bones. Look in the mirror of my mind. Turning the pages of my life. Passed so many paced a million times. Drowning out the voices in the air. Living the walls that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? C'est trop la classe ton pull. Il est à toi? Mais non, il est à rayures. Allez, tous en cours. Oui, tous en cours sur Indestar. Je suis trop un bolos moi. C'est un postillon. J'ai bien imité AC/DC. Bon là non. Je connais pas. Back to school, ça va bien avec notre émission du soir, puisqu'on retourne au collège ce soir. Tu sais ça, dans le collège Titi Minet. Le collège Titi Minet, sacré collège, hein, peut-être que vous y êtes. Avec Monsieur Boulard, je sais pas si vous le connaissez. Ah bah le fameux... Le proviseur. Principal. Principal. Principal. Proviseur, proviseur c'est au lycée et principal c'est au collège. Pardon, excusez-moi. Ah bah non mais faut dire, faut poser les mots sur... Je sais pas, moi je l'appelais Monsieur Discipline. Au-dessus de tout le monde. Ouais. Si vous avez suivi jusqu'au bout, vous savez que depuis le début, vous savez que depuis 1h30 nous sommes en classe. De 1h40 Elle est pointilleuse en celle-là. Ouais, ouais. Toi t'arrives pas en retard en cours, hein. Ouais. J'ai acheté un nerf pour lui foutre dans la gueule. De toute façon, ça sert à rien de savoir 1h30, 1h40 si vous écoutez cette émission en podcast. Bah oui, vous l'avez moins longtemps. Exactement. Sur Indestar.fr. Ouais, ou toutes les applications d'écoute en ligne. Ça, hein. Comment on fait pour écouter en ligne? En podcast? Et bah, on va sur Indestar.fr. Ouais, et on après va, on va sur Spotify. Ah ouais, aussi. Ouais. 10h. Mais imagine t'es sur Indestar.fr, qu'est-ce que tu fais après quoi? Bah, tu cliques sur la classe et après la classe. Exactement. Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est aussi vrai. Ouais, il y a plusieurs possibilités en vrai. Ouais, vous êtes bon. Hein. Ouais. Et puis tu peux écouter les autres émissions aussi. Oui, c'est vrai. C'est bien ça aussi. Il ouais, bah, y a la Peak Avenger qui a repris la semaine dernière. Oui. Toutes les semaines. Voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver. Les émissions spéciales mais, qui arrivent. Mais pas que. Il y a également ceux d'Actu Solide de l'année dernière et les années bah, oui. passées. Bien sûr. Il y a même des vidéos si on va par là. Les années passées. Promo. Non mais on se fait toutes par les contre, émissions d'Indestar. La petite autopromo. Il y a pas une musique comme ça. Les années passent, c'est ce prélasse, non? Je connais pas. T'as un petit coup de mou, t'écoutes Indestar. Un coup. Ça va mieux. Un coup de mou. Regardez un coup de mou. Et écoutez les podcasts Indestar. Les podcasts Indestar, ce sont que des stars. Je n'ai rien d'autre. Ouais, ouais, ça c'est entendu. Hein. C'est bon. Okay. Bon, on retourne en cours, nous, hein, parce qu'on a encore du travail, on a encore des moyens à faire progresser, parce qu'à la fin, il y a le conseil de classe. Oh là là. Et ça va pas rigoler. Ça sera avant 21h, ou à peu près à 21h. Quelle heure est-il? Ah, ça sonne. On paraît de latino. Ouais, oh. Classe entrez, s'il vous plaît. On entre. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, allez vous asseoir. Merci. Vous avez l'air fatigué. On peut s'asseoir où on veut, monsieur? Oui, oui, oui. Non, parce qu'il y a des cours, c'est vrai, on s'assoit pas trop où on veut. Et faut dormir, monsieur, la nuit. Parlez moins fort et moins vite, s'il vous plaît. Vous avez été en boîte de nuit, on se calme direct, ok? Non, non, non, moi je suis. Qui je suis déjà? La gueule de bois. Vous êtes monsieur Latin, monsieur. Oui, c'est ça, je suis monsieur Latin. Mais non, mais ça fout de ma gueule. Je ne m'appelle pas Monsieur Latin, je m'appelle Monsieur... Monsieur Grelinette. Grelinette, voilà. Monsieur. Parce que c'est marqué, parce qu'on a eu sur l'emploi du temps, c'était marqué Monsieur Grelinette. Parle moins vite, jeune chenapan. Faut boire moins d'alcool, monsieur, le soir. Ouais, non, mais attendez. Quand vous serez prof de latin... C'est si chiant que ça, monsieur? Non, c'est fini, cette citation. Ah mince. Personne ne sera prof de latin ici. Alors oui, non, vous êtes en cours de latin. Que dire de plus sur le latin? Waouh. C'est mort, le latin. Ça donne envie, hein. C'est mais c'est pas le but. D'accord. L'utilité du latin, c'est pour vraiment... comprendre tout à l'église. Ouais. Ah oui. Ah, j'aurais jamais pensé à ça. Moi, je vais pas à l'église. C'est un bon point pour vous, mademoiselle. Ouais, je m'en fous de votre prénom, en vrai. Xena la guerrière. Mettez un point. Mettez un point à tout le monde. Xena, c'est latin. Ah oui, ça doit être d'origine latine, Xena. Non, ouais. Non, c'est du latin strombolique, ça n'a rien à voir. Strombolique. Mais c'est latin quand même, du coup. Non. Ah oui, strombolique. Du coup, le latin, ça peut vous servir en cours de français pour comprendre la racine des mots. Et en maths, pour comprendre la racine carrée. Pas du tout. Ah, t'as essayé, Alex. Votre blague est nulle. C'était bien, Alex, c'était bien. Du coup, en latin, bon, vous doutez, hein, vous prenez n'importe quel mot, je sais pas... Strombinoscope. Strombinoscope, et ben pour qu'il soit latin, vous mettez us à la fin. Strombinoscopus. Voilà, c'est latin. Et si remarquez vous voulez... que anus, il y a déjà eu le us à la fin. C'est vrai, et ben anus. C'est un mot latin. Et oui, et oui. Et ça veut dire quoi? Ecubitus. Et cunilingus. Ah, c'est tout en us. Ah non, mais c'est parce qu'on a fait SVT avant, c'est pour ça. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend en SVT? J'irai parler à votre prof d'SVT, je crois. Oui, et si vous voulez une petite variante, si vous voulez un peu de grec. Eh ben, vous prenez le même mot. Eh ben, on mange un kebab. Mais vous mettez os à la fin. Ah. Strobinoscopos. Voilà. Et os. Eh ben, os, vous mettez osos. Osos. Osos bucos. Osos bucos. Eh oui, les Italiens, ils viennent d'où? Bah, d'Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, alors, comme j'ai rien préparé, hein, je vais vous dire des mots. Ouais. Et vous allez me les traduire en latin. Oula. D'accord, Sophie devra rajouter us du coup. Ou os. Alors non, je vais faire l'inverse en fait. Mais parce c'est horrible que parce que du coup, monsieur, oui. Du coup, le âne, il se transforme en anus. Oui. Faut pas s'appeler âne, effectivement. Ah non, sale... vous êtes méchant. Ou alors anus. Sale période pour s'appeler âne. Non mais anus. Non mais même pour les ânes, les animaux ânes. Ouais, mais les ânes, ils sauront pas, ils feront pas le rapport. Non, ils savent pas lire, ils alors, savent pas en fait, ils comprennent rien. Ah, mais les pauvres. Je me suis trompé. En fait, je vais vous donner des noms en latin et vous allez me traduire ça en français parce que sinon ça va être dur si on connaît pas. Okay. Enlever le us. Ouais. C'est facile. Trou du cus. C'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Alors, le mot cultus. Culture. Bah oui. Alors oui, il faut mieux l'écrire sur votre feuille, bande de brutis. Je l'ai marqué, monsieur. Je suis le premier à l'avoir marqué, monsieur. Merci, monsieur. Bah ça n'a rien à voir avec la culture, on va recommencer direct. Hein. Culturisme. Allez, deuxième chance. Cultus, pensez à ça, je sais pas, il y en avait peut-être un qui avait envie dans la classe là. Le cul? Non. Bordel. C'est que pute. Faut vraiment que je parle à votre prof d'SVT, je sais pas ce qu'elle vous apprend. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Attends. C'était pas un cours sur les os aujourd'hui, non? Culturus, vous avez dit, monsieur? Cultus. Ah. Moi j'ai copié. Allez. C'est un mot de langage familier. Hein. Ah. Techniquement, on peut dire aller aux voies de terre. T'as mis quoi, Alex? Cultiver. Non. C'est quoi, Alex? Un synonyme d'aller aux voies de terre. Pisser. Eh ben, pipi. Elle a dit pipi. Mais je l'ai mis, mais j'ai copié sur Claire, mais pipi un quand même. Un synonyme du mot water. Toilette. Polo. Chiotte. WC. Chiotte, oui. Water closet. Chiotte. Et oui, les latins, ils avaient le mot chiotte. Ouais, et ils disaient cultus. Donc ça vous dit on va au cultus? On va au chiottes. Ouais. Donc en fait ce que vous nous avez raconté au début c'est faux. Ouais. Bah ouais. C'est vrai. C'est faux. Mais non, c'est qu'ils ont pris le mot cul et ils ont mis us. Ah j'avais mis cul. Et t'obtiens chiottes. Mais j'ai mis les fesses et le pipi, oui. Ça correspond bien aux chiottes. Ah, bah moi aussi non. J'avais mis cul hein. Oh vous êtes vraiment fatigant. Non on est fatigué. Bon alors quand vous êtes chez vous, vous jouez souvent peut-être à des choses ou quoi que ce soit. Appelez us. Vous utilisez peut-être... Au cul. Vous êtes très bizarre. Je sais pas ce que vous faites, ça doit être encore en rapport avec la SVT, mais je veux pas savoir. Vous utilisez peut-être un truc qui s'appelle la consolatorarium. Ah bah oui, c'est... Bah oui. Ouais. Ah, je sens qu'il y a de l'inspiration. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une console de jeu, monsieur. Ah, peut-être. Bah, d'où le Playus, ouais, console de jeu, je confirme. Ouais, bah oui, c'est ça. La Xbox, monsieur. Oui, voilà. Mais ah bah un point en plus. Parce dû, que, voilà. J'avais dit la... La non, PlayStation mais... Il aime pas ça. La Switchus. La Switch. La Switchus. Au début, j'ai dit la Playus, la Play. J'ai rajouté le Us. Mais justement, faut pas être un joueur Play. Hein. Franchement, monsieur, je suis sûr la Nessus. Vous jouez que à la Xbox bordel, ou chez vous. Je joue pas. La Mega Driveus. Je suis fatigué la par Game Boyus. La Game Boy. Qu'est-ce que la Game Boy Color, monsieur, vous connaissez, Colorus. C'est votre âge. Oh, Tétus. Franchement. Nous écoutus le Proficus. Alors non. C'est je trouve vraiment bien. On se dissipe pas tout de suite. Oh là là. Dissipus, monsieur, dissipus. On dissipus. Ben non, on se dissipe moins. Et si je vous dis le mot magister. Magister. Ouais, très employé. Ouais, bof, non, ça dépend. A rien à voir avec les chips, hein. Magicien, magie, mais quoi ? Magistrat, monsieur. Si, j'ai dit magistrat, tu me copies, Alex. Bah non, j'avais pas vu. Mais où est-ce que vous allez chercher tant de mots savants ? Bah parce que papa, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est magistrat. Il a le bras long, du coup. Mais il est pas magister, pour le coup. Et pas que le bras. Magister, bah c'est mon métier, en fait. Je suis professeur. Vous êtes professeur. Mais je vous apprends pas la magie. Hein. Il est où, professeurus ? Bah oui. Professeur, eh ben, il n'existe pas, professeurus. C'est dans Harry Potter ou pas ça ? Non, non. Pas du tout. Je sais pas, je regarde pas. Ça faisait us, j'aimais bien. Oui, bah us, oust. Au revoir. Non, c'était ma vanne de l'année. Oustus. Elle était pas terrible, terrible quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Si je vous dis le mot classium. Hein, ça c'est facile. Classe, c'est la classe. Où, ça c'est la classe. J'ai mis un classeur, moi. Moi aussi. Parce qu'ils avaient des classeurs. Parce qu'il y avait des Sium. Ils avaient pas de, Xbox non plus à l'époque. Alors non, mais ils avaient des consoles pour jouer en pierre. Non, c'est pas vrai. Vous avez raison. C'était un piège. Mais c'est pas classeur quand même. Hein. C'est classe tout court. Oh bah oui. Oh, hein. J'ai un bon point, monsieur. Cool. Bah, oui, vous avez des bons points. Pourquoi j'ai eu classeur dans la tête, moi ? Bah je sais pas. Une déformation professionnelle. Parce qu'Alex, il fait que de parler. Qu'est-ce que vous faites avec des classeurs ? Bah en classe. Alors maintenant, si je vous dis le mot pistor. Ça, pistor. J'étais pistor avant. Pistor. Attention, ça finit pas par os. Quoi ? Pister, non, ça, c'est pas un verbe. C'est un métier, pistor. Ouais, vous étiez. Je l'étais avant prof coup, de latin. Pistor, hein. Monsieur, ça marche. Vous doutez bien, je serais. Ben non. Ben c'est un métier, pistor. C'est non. Ah, oski. Non, vous possiez des pistons, monsieur. Attention, c'est un piège, il n'y a pas de P dans ce mot. J'ai mis boulanger. T'as mis boulanger. Ah, ben vous savez quoi, vous avez deux points juste parce que vous avez mis boulanger. Parce que figurez-vous que le pistor. Ou Amazon trichait parce que. Eh ben non, parce que pistor, c'est boulanger. Bah ouais, oui, mais parce qu'elles ont fait des liens comme elles savent des trucs. Moi on l'a vu en dehors. Est-ce que c'est pas mais le non, but de l'école de faire des liens avec ce qu'on sait ? Moi j'ai mis éleveur. Mais éleveur de quoi ? Bah, éleveur de farine. Bah, y'a que moi qui ai bon. Y'a que moi qui ai bon. Et après, j'ai mis pisté. Y'a cette dame-là aussi qui a eu un bon. J'ai mis pisté. C'est Xena, monsieur. Xena. Mais elle a dit pisté, piston mais tu avant. Pistes rien, hein. Bah, tu pistes elle a pas. Dit piston avant. Piste. Oui, ouais, mais elle a corrigé. Bah, un point, du coup, moi j'en ai deux. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, on va partir sur le mot ovum. Ovum ? Ovum. On fait pas d'omelette sans casser des ovum. Ah merde, j'ai donné la réponse. Oh bah c'est nul. Merde. C'est des œufs, monsieur. Bah oui, c'est des œufs, monsieur. Monsieur, les ovules, c'est un œuf. Hein. Arrêtez avec la SVT, franchement. Mais monsieur, dans l'œuf, il y a des ovules. Ah, bah vous êtes la seule à pas avoir le bon point. Mais monsieur. Ouais, les œufs, c'est pas vraiment un œuf. Bah ouais, si. Ouais. J'ai failli fait, mettre ovule aussi. Vous ai entendu, moi j'avais envie de faire vroom. Mais... Ouais. Ça faisait voiture. Ouais, on n'est pas en technologie, mademoiselle. Pardon, on est en quoi déjà ? En latin. En latin, monsieur. Mais non, c'est en musique. Le prof, c'est même pas en quel. Écoutez, c'est dur ma vie. Hein. On va y aller, mollo. J'ai faim. Bon. Ça se voit. On va finir les devoirs sur papier parce que ça me. J'ai la flemme de lire. Casse les bonbons, monsieur. Je vais plutôt vous écouter parler. Ah, on peut parler en latinus. Vous allez parler en latinus, effectivement. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit joyeux non plutôt bon anniversaire en latin? Bonus anniversaire. Non, c'est raté. Bah, ça pourrait hein. Non, ouais. Buenos anniversanos. Mais non. Ça c'est en c'est grec. C'est en espagnol. J'entends des incantations de Harry Potter là. C'est qui se hein. D'accord. Happy birthday c'est, to you. C'est Adèle, elle a pété son câble là. On sait pas d'où elle sort ça, mais. D'accord. Comment on pourrait savoir, monsieur ? Il y a un indice, moi ? Ouais, s'il vous monsieur. Plaît. Vous avez connu quelqu'un qui portait ce nom de famille ? Bernard ? Ça veut dire bon. Bonus. Bueno. Comment on dit bon? Bueno. Mademoiselle, vous regardez Harry Potter? Harry Potter? Oh putain, le con. Il y a une potion qui signifie la chance. Mais je connais pas. Ah, Félix Félicis. Voilà. Ah. Comment? Félix, c'est synonyme de bon. Félix Félicido. Non, Félixius. Félix, Félix Natalis. Natalis. Félix, ça ressemble à... Moi, parce que moi, mon papa, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, il est portugais. Oh, bah et ouais. C'est Feliz Natalis. Du coup, il a deux prénoms. Ah, Feliz Navidad. Ah. Navidad, ouais, voilà. Mais oui, donc, c'est ça. Donc, il n'était pas du tout ce que tu viens de dire en portugais, là. Bah, si, ça ressemblait. Hein. Mais c'est parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, mais il connaît trop de monde, ton père. C'est loin. Il est avocat, ton père, non? Je sais pas. Non, mais si, chômeur. Boulanger. Ah, ouais, mais il connaît. Laissez parler le professeur qui galère quand même. D'accord, monsieur. Merci. Si je vous dis la phrase, ou le bout de phrase, hein. Quid d'Itsis ? La reine d'Angleterre ? Non, un quid, c'est non. Qui de ce monde ? Un Rubik's Cube ! Qui... C'est un point d'interrogation, oui. Est-ce que ça vous parle ? Non, non. Une interrogation ? Bah, quid de... Est-ce que ça veut dire quid d'Itsis ? Un Rubik's Cube ? Un quiz ? Mais c'est non. Un point d'interrogation, une quid, c'est une question, ouais. C'est une question et vous devez juste la traduire. Un bitou ? Tu as quel âge ? Tu vas bien ? Quiz, Dixit. Pensez au mot quid. Quid, oui. Déjà, c'est transparent. Oui, ouais, bah, c'est totalement transparent, on voit à travers. Personne trouve. C'est quoi quid, ouais. Bah, quid, ça veut dire... Oh, quid alors. Quid de quelque attendez, chose. Qui êtes-vous? Je vais vous mimer une mise en situation. Oui. Qui les pète? Quid, Dixit. Merde. Quoi? Ah, je vous l'ai mimé du mieux que vous pouvez. C'est dire casse les couilles. Ah, attendez, je me chauffe. Et je m'ennuie. Quid, Dixit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Posez une question. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Alors, en langage un peu plus soutenu. Que cela voulait dire? What? Oui, mais c'est bon, je l'ai eu. What? Vous l'avez eu, mademoiselle. C'est what? Que voulez-vous dire? En anglais, what, monsieur? What? Oui, c'est un peu ça. Oui. Pas la what de Caroline Love. Sauf que, what? En allemand, on dit was bedeutet. Pas du what. On s'en bat les couilles des germaniques. Bon, c'est pas là, ok. D'ailleurs, les raciste. Anglais, c'est quoi, eux? What? What? C'est what, quel is? What is it? What is? Non. Alors, on se calme direct avec le café. C'est sacré. Can you repeat the question, please? Les Anglais. Ah, ils l'entendent un instant. Ils parlent l'anglais. Oui. Ah oui, monsieur. Ça, c'est jusqu'à cohérent. Là, ça va. Oui. Mais l'anglais, ça vient de quelle ethnie? Racine. Ethnologie, voilà. C'est pas latin, l'américain. Monsieur. Si, c'est latin, quand même. Ah, monsieur, je comprends non, c'est pas latin. C'est pas latin. C'est pas latin. Je comprends même pas la question. Grec. C'est pas anglican? Non, c'est pas anglican. Vous voyez, les Français, c'est ouais. D'origine latine. Latine, oui. Voilà. Les Italiens, c'est d'origine latine aussi. Irlandais, voilà, les anglais, c'est anglais. Et bah, latin. Les Anglais, c'est. Anglais, germanique. Germanique. Anglophone. Anglophone. J'ai dit anglophone tout à l'heure. Germanique, c'est plus. Oh là là. Ah, c'est les Allemands, merde. C'est anglophone, monsieur. Anglo-saxon. Mais oh, merde. C'est anglo-saxon. Ah oui. Je dirais même anglo-saxophone. C'était l'un des deux. Non, allez, on va finir par un petit simple. Est-ce que. Ouais, bon, avec vous, je sais pas ce qui peut être. Monsieur, c'est bientôt l'heure. Hein. Ouais, ça va sonner. Et ben, on va finir là-dessus. Vous connaissez l'expression carpe diem? Il y en a des filles qui l'ont peut-être de tatouer d'ailleurs. Il faut vivre la vie qu'on met bien au jour le jour. Vive au jour le jour. Alors, ça veut dire bien une phrase de trois mots. Hein. Donc, attention, on se calme direct. Vive jour jour. Vivre la vie. Non. Libre. Au jour le jour. C'est pas loin. Il y a vive, le mot jour. Vive la vie. Profite de vie. Non. Profite du jour. Faut penser et moins aux fleurs. Aux vive fleurs, aux radis. Vive les fleurs. Aux légumes. Vie. Vive les radis, la les tomates, les concombres. Attendez. Je vais vous donner un indice. À la mort. Vivre le jour. Il y a trois mots. Vivre dans ce truc. Il y a jour dedans. Le jour, c'est les deux mots. Le jour d'après. Se lève. Vive. Il manque juste le premier. Le jour. Le jour. Pensez aux légumes, aux fleurs. Plante la jour. Oh là là. Le jour des plantes. Plante la jour. Jour des plantes. Le jour fleuri. Vous faites quoi avec des légumes? On les mange. Le jour. Quand ils poussent, le jour épluché. Le jour planté. Tu les cueillir le jour. Cueillir le jour. Cueillir le jour. Le jour arrosé. Cueillir le jour. Oui, cueillir le jour. Alors si vous voyez des gens avec écrit carpe diem, cueillir le jour. Vous lui demanderez où sont ces légumes. Parce que franchement, c'est complètement con. C'est vrai que c'est con. J'ai un point là. Oui, vous avez un point, mais bon, si vous avez écrit carpe diem sur votre gueule. Ouais, non, c'est bien. Faut éviter quoi. Vous l'avez nulle part, hein, pas de monsieur, tatouage. Monsieur, on est trop jeune pour avoir des tatouages. Hein. C'est vrai. Eh ben, continuez comme ça, les enfants. Allez, sortez. Ah, ça y est, on a fini. Ouais. Oh, je vais pouvoir retourner à ma sieste, moi. Latinus, Crucius, Pompidus. Teddy, je crois que le proviseur t'attend. Ah. Le CPE t'attend, pardon. Le CPE. Qu'est-ce que t'as fait encore Oh putain, je suis encore convoqué. Roberto, vous avez fait des bêtises. Combien Attendez deux petites secondes. 2 heures de colle pour Katrina. Ah, 6 heures de colle pour Alexis. Mais il est en train pas de chance. Qui va l'acheter prix? Oui, bonjour, monsieur le CPE. C'est Roberto. Entrez, Roberto. Je viens parce que j'ai été convoqué par rapport à mon absence. Votre absence, c'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à un cours, en fait, j'ai été absent. Oh, je vois que vous avez été absent. Oui. D'accord. Je suis désolé, je suis grandement désolé. Il n'y a pas monsieur. Besoin d'être désolé. Hein. Mais j'ai une excuse hein, quand même. Allez-y. Mon papa, il est boulanger. Hein. Il fait du pain à la cantine. Pour la cantine. Hein. Vous savez qu'il fait du pain pour la cantine. Vous voulez dire que le pain dégueulasse qu'on mange tous les midis, c'est à cause de votre père? Exactement. D'accord, mais vous n'êtes pas obligé de le manger, vous mangez au resto. Vous croyez qu'on mange où? Nous, on est obligé de manger au restaurant scolaire pour vous surveiller toute la journée. Mais du coup, mon papa, il fait le pain pour la cantine et du coup, il était malade. Du coup, j'ai été obligé de le remplacer. Mais du coup, j'étais déjà en retard. Vous voulez dire que vous avez fait le pain à la place de votre père pour la cantine? Bah oui, hein. Est-ce que vous pensez que c'est votre job, vous en tant qu'élève, de faire le pain pour la cantine scolaire? Bah non, mais j'avais pas le choix d'aider mon papa parce que s'il y avait plus de pain pour la cantine, bah les élèves ils avaient plus de pain. Après, je me suis rendu compte que j'étais en retard quand même, hein, donc je me suis dit, faut que je me dépêche. C'est pour ça qu'on avait qu'une demi-baguette à midi. Oui. D'accord. Mais du coup, j'avais les mains sales, hein, j'avais de la pâte partout sur les bras, donc fallait que je me lave les mains. Vous avez une sacrée vie, vous, hein? Oui, ouais, mais oui, c'est vrai. Et vous voulez que je vous signe un bon d'excuse? Comme quoi, ça pourrait être une excuse valable. Ah mais monsieur, j'avais de la pâte sur les bras. Je peux pas écrire quand il y a de la pâte, ça déforme mon stylo. C'est pas faux. Ouais, mais il y a des lavabos, il y a des toilettes. Hein. Bah oui, mais le temps que j'aille me laver, parce que ça gratte du coup. Donc j'ai été en salle d'art plastique. D'accord. J'ai été prendre quelque chose qui bon, gratte. Bon d'accord, allez, ça va, ça passe pour cette fois. Mais ne me refaites pas le coup du pain et des mains et je sais pas quoi du boulanger la prochaine fois. Ça d'accord. Suffit avec les boulangeries. Hein. Je le dirai à mon papa de plus être malade. D'accord, on va faire comme ça. Je crois qu'il est allez, mort, retourner d'ailleurs. En cours. Oui. Yes. Comme toi, j'en ai rangé des colères et noirci des pages assombrées dans la folie. J'ai buté sur des barrières, des arrêts sur images dans le film de ma vie. J'ai couvert mes arrières, je suis restée bien sage sans me plaindre de l'ennui. J'ai cru à ces frontières, celles qui nous gardent en cage et qui font que l'on s'oublie. Alors je me questionne, j'attends que mon heure sonne. Je ne crains rien ni personne. Au rythme des saisons, je ferai le tour de la question. Si la vie a ses raisons, moi j'ai besoin d'évolution. Je vais trouver. Cachés derrière tous ces visages qui s'illuminent. Connu des personnes honnêtes qui marqueront l'histoire vu l'époque qu'on nous fait vivre. J'ai cru à tout ce que ma mère me disait tous les soirs juste avant de m'endormir. Mais en quoi la vie sera faite vu les mensonges qui traînent, j'ai bien peur pour mon avenir. Alors je me questionne, j'attends que mon heure sonne. Je ne crains rien ni personne. Horrible. Lise vola sur Indestar. Qu'est-ce qu'on vola? C'est nul cette panne. En tous les cas, on kiffe la musique. Révolution. Révolution. Oh, c'est de la bonne ça. Le mec qui dit à sa rhum, tu sais pourquoi faut s'habiller correct quand on va au bahut? Non, pourquoi? Pour avoir la classe. Allez, bienvenue sur Indestar, les friends. Alors on peut réécouter une musique en même temps, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, en même temps, peut-être qu'on l'écoutera tout à l'heure cette musique. Tu peux la couper, hein, tu peux. Je sais pas comment voilà. Couper. Oh là là. Alors, ouais, aujourd'hui c'est la première et ouais, peut-être que ça attends, se ressent. Voilà quoi, c'est le stress aussi. C'est le stress, pas de stress, y a point S, d'accord, ok. C'est la classe ce soir parce que on est sur Indestar et parce que c'est la première de l'année qui s'appelle la classe. C'est une émission où on retourne au collège. C'est ça. Ouais. On aurait dû avoir fini. Ouais. Mais en fait, mais on non. l'a pas fait. Ok. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. Eh hop, pousse-moi pas. On dira pas à cause de qui. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est qui a pris le plus de temps ? Roberto ! Ouais, mais moi j'avais deux cours. Et je pense que là, sur notre emploi du temps, il y a marqué qu'on a l'histoire géo, je crois. Oh, oh c'est bien ah, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Comment non, ça... non, non. C'est... J'espère qu'on va faire la Seconde Guerre mondiale. Comment elle s'appelle ? Ouais, le prof. Ouais, je sais pas. Ah, Madame Curie ! Ah, oh, c'est une femme. Ah oui, Madame Curie, c'est vrai. Ah, moi aussi, elle s'appelle curry pas Marie. Sur... Moi aussi, je mets du curry sur mon poulet. Mmh, oui, c'est moi bon, aussi. Curry. Ouais. Curry coco. Ah d'ailleurs, et j'ai goûté un ketchup au curry. C'est excellent. Un ketchup au curry. Ouais. Pourquoi que pourquoi pour merde. Quelle raison? Bah je sais pas, parce qu'on le vendait dans mon magasin, dans le magasin où je travaille. Donc tout ce qu'avant, elle essaye, tu vois. Ouais, ah oui, c'est logique. Est-ce que vous vendez des... Non, je... Bah toi, t'es dit. J'ai rien dit. On va peut-être investir dans des ardoises, par contre, on va dire, la prochaine fois qu'on va dans un collège. Parce que là, c'est vrai. Là, le prof d'écologie va pas être très content, vu le nombre de papiers. Bah écoute, moi j'ai utilisé que 3 feuilles pour le moment. Bah moi, deux. C'est deux. Le bordel monstre. Et j'en ai une, regarde, qui est semi, parce que voilà. Je l'ai pris. Elle est semi-conducteur. Mais toi t'écris avec un vrai stylo, nous on écrit avec des feutres, tu vois. Là c'est moi qui écris avec le stylo. Ah d'accord. Voilà. Pour paraître plus écologique, je vais me torcher les fesses avec. Mmh, ça va être bien. Bon, et si on allait en cours? Oui, je pense que la première. Elle est dégueulasse. Parce que, ouais, réutilisation. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Je me présente, je m'appelle Madame Curie, donc je suis votre professeure d'histoire géo. Poulet. Bonjour Marie. Curie. C'est Marie Curie. Donc pendant mes cours, je veux de la discipline. Moi je veux de la bouche, l'écoute. Discipline. Je veux du silence et une concentration au maximum. Ouais, moi est-ce je suis souvent concentrée madame, parce Alex, que mon papa il me dit oh, dis donc Alex, qu'est-ce que t'es concentré. Oh, Alex il est au maximum tout le temps hein. Il est surtout au centre et con. Madame, discipline stricte, travail acharné, triomphe de toutes les difficultés, vous connaissez hein. Oh là là, cul. Très bien, mais je n'accorde pas des points à quiconque me donne une phrase au pif. C'est la devise de l'école madame. Je m'en fiche. Madame, vous êtes très jolie je trouve. Ta gueule. Alors, aujourd'hui, demande à ton père de t'emmener chez l'opticien. Mon cours va porter sur la croissance démographique et ses effets. Donc, à votre avis, qu'est-ce que la croissance démographique? Alors, moi, je connais les croissants. Bah, la croissance démographique, c'est que ça descend. C'est quand ça augmente. Et la démo, c'est quand on achète un jeu en démo. Pas du tout. Je pense que c'est quand ça augmente. Petite idée. Ça... Augmentation de la population. Ouais. Exactement. Mais en parlant au niveau des chiffres, etc. Vous voyez? Eh oui. Ah bah ça j'arrive pas par contre. Par exemple, je peux vous dire que depuis 200 ans, la population mondiale ne cesse d'augmenter. Ah, c'est pas étonnant. Non. Eh ben c'est pas faux. Par exemple, en 1800, on était 1 milliard d'habitants. Oh, et maintenant, on est presque 8 milliards. En 1950, on était 2,5 milliards d'habitants. Faux. En 2015, on était 7 milliards. Et en 2050, c'est évalué à peu près à 9-10 milliards d'habitants. Et là, on est quasiment à 8 milliards. Parce que mon papa, il a regardé les infos l'autre fois. Il a dit on est presque à 8 milliards. On n'est pas à 8 milliards 600 000. On n'a pas dépassé les... À votre avis, je veux une réponse sur votre feuille. Bah, les gens se reproduisent. Hein. Je veux... Enfin, comment s'explique cette augmentation? Vous pouvez me donner... une ou plusieurs réponses, peu importe. Ça baise. J'accepte. Il n'y a pas de proposition? Moi, j'ai marqué des réponses. J'ai marqué, c'est parce qu'il y a plus de bébés. Parce que c'est en faisant des bébés qu'il y a plus de monde. Je vais marquer ça baise. Ouais, d'accord. Ça. Et pourquoi j'ai pas eu de point pour le truc augmente graphique démographique? Parce que c'était pas un point à donner. C'est une blague, c'est de la merde. Qu'avez-vous noté, Anna? Copulation. Ça peut fonctionner. Ce qui fait... Alors, nous avons déjà, tout d'abord, l'augmentation du nombre de naissances. C'est toi qui m'as piqué mon stylo ? Effectivement. Oh. Nous avons également une descente de nombre de décès. Bah oui. Il y a moins de décès, il y a plus de naissances, le nombre augmente. Et il y a trop de vieux. Ouais, mais t'inquiète, ils vont partir à un moment donné. Ça, on en parlera plus tard. Il y a de la canicule qui arrive. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les épidémies. Covid. Je veux que vous me donniez une raison justifiant la baisse de mortalité. Ça baise. N'importe quoi. Et je vous prie d'être un peu plus un peu moins vulgaire. La mortalité. Pourquoi est-ce que... Moi, je dirais c'est la... Il y a une belle... C'est la santé. Moi, j'ai mis qu'on vit mieux, il y a plus de confort de vie, du coup, il y a moins de morts. J'ai mis les soins, madame. Moi aussi, la médecine, elle a beaucoup évolué. Ouais. Mm-hmm. On meurt moins parce qu'on se fait soigner quand on a une maladie. Et moi, j'ai mis la technologie parce que maintenant, il y a des machines qui vous tiennent en vie. Ça peut être une bonne réponse. Nous avons les progrès médicaux et la diffusion de nouvelles techniques d'hygiène. Ouais. Je veux ensuite que vous me citez une raison justifiant la baisse de natalité, donc le nombre de naissances. Pourquoi est-ce que les nombres de naissances peut diminuer? Oh bah, il y a plein de trucs, hein. Une ou plusieurs réponses, hein, évidemment. Oui. Je vous laisse le choix. À vous de voir. Madame, alors, moi j'ai marqué deux réponses. Les femmes et les messieurs, ils sont moins fertiles. Ça fait moins de bébés, du coup, après. Parce qu'on mange de la merde, par exemple. Ça peut... Moi, j'ai mis la société et l'argent parce qu'on manque d'argent et la société nous pousse à toujours travailler plus. Du coup, on n'a pas le temps de faire des enfants. Société, tu aussi, je te rassure, moi, j'ai le temps d'en faire. Moi, j'ai écrit comme la voisine du fond, okay. Maladie, tout ce qui est... Moi, ouais. j'ai mis qu'on fait moins d'enfants et qu'il y avait la politique de l'enfant unique en Chine. Ça veut dire que, genre, on faisait un enfant, ils étaient contents. Et on faisait deux enfants, ils étaient moins contents. Et on faisait trois enfants, ils n'étaient pas du tout contents. D'accord. Moi, j'ai mis la pollution, l'hygiène de vie et la nourriture. Mmh. Ouais, tu copies. Ah, puis madame, il y a Netflix maintenant, les gens ils font moins l'amour. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a YouPorn aussi, on pourrait faire plus l'amour. Une plus grande instruction aux filles et une diffusion de contraception, tout simplement. Ah oui. Ah bah oui, on est à peu près. Genre, on dit aux filles, attention, faut pas trop faire d'enfants parce que sinon après vous allez faire que ça de votre vie, c'est nul. Alors, il faut savoir que cette évolution démographique n'est pas la même dans toutes les régions du Nord. Je veux que vous me donniez, à votre avis, un endroit, un pays ou un continent où la croissance de la population est faible. Est faible, hein. Eh ben... Continent ou pays, hein, j'accepte. C'est toi qui fais la question. Je veux que tu me donnes un continent ou un pays où la croissance démographique de la population est faible. Mais tu copies, Alex, t'es chiant. Ben oui, j'ai mis au pôle Nord parce que c'est... C'est vrai que le pôle Nord, il n'y a pas grand monde déjà, hein, donc forcément, ils se reproduisent ours, pas beaucoup. Accepté. La Chine, oui. Océanie. C'est un continent. Mais si, c'est un continent. Oui, je sais que c'est un continent. Et il n'y a personne. J'ai mis la Chine. Le Groenland, monsieur. Madame, merci. Bah, on a écrit pareil tous les deux avec d'accord, Alex. J'accepte. Madame, est-ce qu'il y a nous des choses que nous avons également l'Europe de l'Est. Ainsi que l'Amérique du Nord. À skip. La croissance de population est modérée en Afrique du Sud, en Inde, en Indonésie et en Afrique du Nord. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, l'Afrique comptait environ 1,2 milliard d'habitants. C'est beaucoup, monsieur. Surtout madame. Et qui a contraint en 2050 2,5 milliards. C'est beaucoup encore donc, plus. Hein. Plus monsieur, que le double. Plus. Ouais. Mais pourquoi, à votre avis? J'ai pas fait... J'ai pas suivi, du coup, parce que je parlais con. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2050, l'Afrique va doubler son nombre d'habitants? Bah justement, ils ont pas la contraception, bah oui, madame. Et donc? Et bah du coup, ils copulent et puis ça ils fait du coup, ils font beaucoup d'enfants. Ils ont pas l'accès aux soins comme nous, madame. Pas vraiment. Leurs conditions de vie s'améliorent de plus en plus, donc ils copulent de plus en plus. Ça veut rien dire, ça. Ils ont pas besoin des bonnes conditions de vie. Parce que mon papa, il connaît quelqu'un. Oui, arrête. D'accord. Donc, ce qui amène à un fort taux de natalité et un taux de mortalité en diminution. Mais pourtant, il y a quand même des maladies. Parce qu'ils meurent tous en accouchant. Il y a Ebola. Leur vie s'améliore, donc ils ont moins de maladies, ils ont plus de naissances. Oui, mais monsieur, il y a aussi la malaria. Ouais, il y a le sida aussi, et si donc, vous voulez. Et donc, toute cette croissance va impliquer des enjeux. Par exemple, des besoins croissants. À votre avis, donnez-moi un besoin que la population aura encore plus besoin en ayant plus de monde. De tuer tous ceux qui disent chocolatine. Par exemple, il y aura une production de qui sera plus élevée. Pain au chocolat. De nourriture. Oui, de base, ouais. Nourriture. Oh, ça va de soi. Bah, les soins, madame, toujours. Les médicaments. Si, madame. Nourriture, soins. Il faut des moyens, il faut de l'argent. Si t'as de l'argent, tu peux la faire des enfants. Parce que ça, tu peux les loger, c'est la monnaie les qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la vie. La c'est thune, ça. Le pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qui fait... Enfin, on aura besoin de quoi? Il y aura plus de population, la population aura besoin de quoi? De travail. Plus de chômeurs. De place. Ce qui va avec la croissance de la production alimentaire. De place. Donc plus d'énergie. De nourriture. Ah, une autre planète. Ah ouais. C'est pour ça on a bousillé celle-là de l'eau. on aura besoin de ressources énergiques, énergétiques, excusez-moi. Et ressources naturelles. Non, renouvelables. D'ailleurs, donnez-moi... Énergique aussi, plus de Fanta. Donnez-moi un exemple de ressources énergétiques non renouvelables. À l'écrit, à l'oral. L'eau, madame. Le pétrole. Le pétrole. Pétrole. Pétrole. L'eau, madame. Vous en avez un autre? Les diamants. L'eau, c'est renouvelable. On s'en fout des diamants pour vivre. T'es l'électricité. Mais c'est renouvelable. T'as un point. Mais l'eau, madame, l'électricité. L'eau, madame, c'est pas renouvelable. Allez, bim. Le graphène, madame. Ah merde. C'est quoi du graphène? Qu'est-ce qu'on a? Ça sert dans les, pour faire des batteries. Ah. Et après, on sait pas trop les recycler. Ah, ouais, mais est-ce que parce c'est que mon papa, il connaît quelqu'un. Ouais, le cyanure, madame. Bah ouais, comme mais du coup, c'est pas de l'énergie renouvelable. Non, elle a dit que c'était non renouvelable. Est-ce que. Un énergie non renouvelable. Elle a dit non renouvelable. Ah bah l'électricité c'est renouvelable. Bah ouais, oui, normalement. Mais le graphène oui. C'est pas une toi, énergie. Monsieur, c'est nous avons le pétrole. C'est un minéraux. Le pétrole qui a déjà été dit. Nous avons le gaz et le charbon. Et qui est par exemple. Et l'or. Graphène aussi. Et le gaz c'est pas renouvelable. On peut pas le créer le gaz normalement quand on fait croûte. Moi j'y arrive pourtant. Mais il faut que tu manges. Hein. Et les vaches, ouais. Elles proutent beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de choucroute. Hein. J'ai une petite question bonus pour vous. Oui, donc, madame. Assez compliqué, est-ce que vous l'aurez? Je ne crois pas. Mais si. Pour faire face à ses besoins en électricité, qu'a fait la Chine? Bah rien. Elle a construit des barrages. Elle a baissé le chauffage. Exact, un point pour Roberto. Elle a construit le barrage des Trois Gorges. Un barrage, madame, c'est un barrage hydraulique. Ouais, parce qu'il y a de l'eau. Non, c'est hydroalcoolique. Mais non. Parce qu'il y a de l'eau et du gel. J'accepte barrage. Ouais, mais hydraulique, parce que c'est un barrage à eau. Et ça fait de l'électricité. J'accepte le barrage. Première réponse donnée, j'accepte. Enfin, si elle est bonne. Bah du coup, barrage, madame. Barrage aussi, hein. Non, c'est un point bonus, désolé. Ah. Donc tout ceci va renvoyer à des problèmes environnementaux et sociaux. Donc est-ce que vous avez des idées de problèmes environnementaux et sociaux et... Non, moi juste des problèmes mentaux. C'est également une question bonus. La pollution. La pollution. On a tous marqué. Exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui amène la surpopulation? Où est-ce qu'ils vont... Le sexe. Où est-ce qu'ils vont vivre? Ah, bah, la place, il y a un manque de place. Il faut se loger, il faut faire des comment maisons. Comment on appelle l'endroit où l'immobilier. Ils vont vivre? La surpopulation. Les maisons? Non. Un les territoire? Non. Un territoire? Non. Le continent? Non. Logement? Pays? Je vais donner la réponse. On appelle ça un bidonville. Ah. Un bidonville. Mais ça dépend parce que les bidonvilles, c'est là où ils vivent. Mais si, c'est, ouais, mais non, c'est les pauvres. Hein. C'est comme les un pauvres. Quartier, si vous voulez. Mais oui, mais c'est les pauvres. Et dans la ville. Et ben voilà, la surpopulation va faire qu'il y aura moins de construction de maisons, peut-être, moins d'environnement où vivre. Bah, ça dépend parce que, genre, on est tous riches. T'as 20 après. Mais on l'est pas. Parce que mon papa, il est riche. Hein. Et il connaît des gens, qui connaît des gens, c'est ça. Nous avons également la. Bidonville! La déforestation. Ah bah oui, c'est pour les orang-outans. Ça veut dire quand on enlève les arbres. Hein. Ouais, c'est pour faire du Nutella et on les orang-outans, ils ont plus de maison après. Je kiffe trop le Nutella. Bah, du coup, l'huile de palme et tout là. S'il fuck les orang-outans. S'il vous plaît. Qui kiffe trop le Nutella? Je vous ai donné demander une discipline. Pardon, madame. De quoi? Merci. Ah oui. Strict et acharné. Nous finirons par l'augmentation de l'espérance de vie, soit le vieillissement de la population qui va poser de nombreuses difficultés. Ils sont trop nombreux, faut tous les buter. Et de nouveaux besoins. Oui. Par exemple, les personnes âgées qui vont être plus faibles vont être exposées à une forte augmentation des coûts de santé. Tant pis pour eux. J'ai marqué plus de cannes. Plus tu vas payer tes coûts médicaux. Ah, les retraites aussi. Lorsque t'es moins autonome, il va y avoir une prise en charge sur le long terme. Mmh. Oui, ça, c'est la... À la retraite, là. C'est les gens qui viennent te donner à manger et te laver. Ouais. Plus d'hôpital. Il va y avoir plus de vulnérabilité dans des situations d'urgence. Lesquelles? Question. Les épidémies. Bah, on a dit la canicule, ça peut tuer les vieux. La canicule, hein. Ça fait quand même c'est les vieux. Hein. Mais nous n'avons les tsunamis. Mais non, ça n'a rien à voir avec la... Mais t'as pas compris la question. Avec la vieillesse. On peut tous mourir avec un tsunami, madame. Ah, c'est qu'est-ce qui pourrait tuer les vieux plus vite? Oui. Mais une oui. Pandémie, madame. Ouais. Style Covid. Ça peut. Il y a les maladies, il y a tout la manque de nourriture. Tout simplement. Le vieillissement. La solitude, ça tue aussi. Ah, la solitude, ça tue. Mais vu qu'on sera plus nombreux, on va faire seul, plein de jeux société. Ah ouais. C'est trop bien. Qu'est-ce qui peut tuer les vieilles personnes? La vieillesse. Le chaud, le froid, les extrêmes climatiques. Bah, madame avait raison. De les catastrophes naturelles, ah tout bon simplement. Oui. BAM! Ouais, mais c'est tout le monde, hein. Ouais, mais c'est ça pas... tue tout le monde, hein. Oui, mais les personnes âgées vont être beaucoup plus vulnérables. Ah ouais, elles peuvent oui, pas courir. Oui, mais tant mieux, madame. Mais oui, parce qu'elles peuvent pas courir s'il y a le tsunami qui arrive. Ça se pas nager. C'est normal. En cas de séisme, il y a plein de choses. Ouais, mais tant mieux, madame, comme ça on a moins de retraites à payer, comme ça bah il y a moins de chômage. Et nous avons encore. Oui, exactement. Moi, encore. Mais putain, non, c'est un cours qui se termine jamais, non, les questions sont finies. Mais il y a également une autre chose qui peut tuer. Les personnes âgées, nous avons les guerres, tout simplement. Ah bah oui, mais tout le monde. Des hein, guerres. Bah oui, mais j'ai jamais dit j'étais en guerre contre eux. Non, juste les personnes âgées vont être beaucoup plus vulnérables que les jeunes. Oui, bah mais non. Vous pas aller sur le front. Non, parce que bah, si parce qu'on a tous envie de les tuer. T'imagines, ils essaient de monter le front. Et bah justement. Ils glissent à chaque fois. Et bah ils sont plus vulnérables. Mais ils restent chez eux, du coup ils sont moins vulnérables. Ouais, mais bon, s'il y a une bombe qui tombe, bah ils se la prennent. La guerre va arriver partout. Ils vont se faire bombarder. Pas que au niveau de l'endroit de la guerre. Oui, mais les soldats, ils auront le temps de se faire tuer. Pendant les colonisations, par exemple. Je suis pas d'accord. Ils vont se faire bombarder pendant qu'on sera au front. Bon, bref, ça les tue, point, voilà. Tant mieux. Voilà. Ça, madame, c'était... Ça les tue, point, c'était et... super glauque, votre cours, madame. Hein, quand même. Ah, je vous laisse tranquille. Au revoir, Alléluia, madame. Hein. C'était bien votre cours, madame. Merci. Ah non, c'était pouille. Pas autant que la musique, hein. Ouh. Ah. Trop court. Ouais. Ah, j'ai trop la dalle, j'ai pas goûté. Ah bah t'inquiète, moi j'ai ramené le mien, si tu veux on partage. Mais c'est quoi cette bouillie? En fait, c'est ma recette, enfin c'est mon papa qui a fait. En fait, j'ai mélangé de la morue avec des endives, avec de la confiture de litchi, et c'est mon dernier Kinder Nano. Mais ça a l'air dégueulasse ton truc. Bah vas-y, fais pas ta relou, goûte là. Never. Moi, les mélanges, je les fais qu'en musique. Toi t'aimes quoi par exemple? Ah bah moi par exemple, je chiffre le bootleg, tu sais, de Dim avec Katy Perry et The Weeknd. Ça fait Chain to the Starboy. Vas-y écoute, Ria, attends, je te prête mon écouteur. 21h. Comment t'es trop bien tombé sur Indestar. Dylan dans ton flux internet pour te présenter la classe. Et ils sont trop chauds. Et c'est la fin. Enfin, pas encore. Pas encore, parce qu'il y a le conseil de classe. Ah bah oui, toujours en fin d'année. Alors je sais pas si vous avez appris à la maison aujourd'hui. Il y a eu plein de matières. Il y a eu les maths, il y a eu le latin, il y a eu l'histoire géo, la musique, les sciences et vie de la terre. Il y a eu le cours d'écologie. Écologie. Exactement. Le latin. Le latin, latinos. Exactement. Ça fait beaucoup de matières. Mais est-ce qu'on a cartonné dans ces matières? On va pas tarder à le savoir, puisque nos élèves, ce soir, de 5e B, du collège Titi Minet, vont aller à l'examen final, le conseil de classe, où tous les profs se sont réunis. Et attention, parce que le meilleur élève recevra un diplôme. Exactement. Le pire élève, il sera détruit par les professeurs. C'est ce qui arrive à tous les conseils de classe. Mais qui est le délégué de la classe? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas élu. C'est moi le délégué de la classe. Et les représentants des parents, il faut des représentants de parents aussi. Non, bah non, les parents, ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas envie. Il n'y a que les profs qui démontraient. Ils avaient tous piscine. Ils avaient Netflix and chill. Exactement. Bon, allez, vous êtes prêts pour le conseil de classe, les amis? Oui. C'est parti. De toute façon, on y passe tous quand c'est conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est le bordel d'un casseur. Désolé, monsieur le proviseur. Bagarre de c'est un bon mauvais rap. Amandine du 38, la fameuse. On est tous quand c'est conseil de classe. Je vois trop écouter ça dans ma voiture, tu sais. C'est vrai. C'est le bordel d'un casseur. Désolé, monsieur le proviseur. On peut y aller en conseil de classe. Ah, on va pas l'écouter jusqu'au bout, ça. Y'a pas de sonnerie avec conseil de classe? Bah non, y'a pas de sonnerie au conseil de classe. Bah non, c'est une réunion. C'est à la fin des cours. Ah. Bordel, ça me rappelle mes élèves. Du coup, le conseil de classe est fait par qui déjà? C'est le CPE qui fait ça? C'est tous les professeurs, c'est plus le délégué de classe. Okay. Alors, mesdames, messieurs, approchez, je vous en prie. Je voulais commencer. Oui, j'ai entendu. Merci. Bonsoir. Asseyez-vous, mesdames, messieurs les professeurs. Vous êtes la professeure de... Musique, très bien, c'est Madame Beethoven, on s'en rappelle. Beethoven. Madame Beethoven. Beethoven. Beethoven. Merci. Pas me faire chier non plus. Alors, allez-y, Madame Beethoven. Alors, c'était un peu mitigé ce soir. J'ai Claire qui a eu 10 sur 20. Bon, c'est la moyenne. C'est la moyenne. J'ai Xena 6,5. C'est un peu moins. C'est moins la moyenne. Ah, c'est pas terrible, hein, 6,5. En même temps, la musique, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pardon, allez-y, continuez. Je vais te maracasser la gueule, toi. Je vous en prie. Sympa. Roberto, qui a eu 10 sur 20 également. La ah moyenne. Oui, j'avoue, je suis désolé, madame, j'étais pas bon dans votre cours. Anna, 13,5. Ah, et c'est... mon petit chouchou, Alex, qui a eu 20 sur 20. Ah bah, Alex. Oh, 20 sur 20 en musique normale, quoi. Il sera musicien, c'est bien, il pointera au chômage. Allons-y pour la matière suivante. Qu'est-ce que l'on a? Matière des maths. Les mathématiques, en cours. Ça c'est une matière importante ça, les mathématiques. Oui. Dans la moyenne ça va, hein. On a une bonne moitié de classe dirigée par Claire, hein. Claire 20 sur 20, rien à redire. Ça c'est pas mal ça, Claire. Hein. Après Alex et Anna, 16, ouais. Ça va, bien aussi. Pas trop grand chose à redire. Des petits efforts à faire, hein, parce qu'ils ont pas tout compris non plus, mais bon. Et un peu dissipé en cours quand même, Alex. Hein, voilà. Alors attention à la dissipation. Ensuite, nous avons Xena avec un 12. Ça commence à faire tâche. Ouais, je pense qu'elle devrait prendre des cours de rattrapage. Hein. La petite dernière, hein, j'ai même pas son prénom. Monsieur, en vrai, c'est Adèle. Ouais, mais je voulais pas le retenir en fait. je retiens pas les notes en dessous de la moyenne. Combien a-t-elle, Adèle? Elle a 9. Ça va. Et j'avoue, c'est. On est quand même proche de la moyenne. En parlant, c'est plus proche de 0 que de 20. En musique, j'ai réussi à avoir un 6,5, s'il vous plaît, monsieur, quand même. Après, les barèmes n'étaient peut-être pas les mêmes. Bon, ça fait une moyenne de classe assez haute tout de même. Oh, j'ai pas fait de moyenne de classe. D'accord, on vous en veut pas. Ouais. On va passer à la matière suivante. Alors, la prof d'SVT, qu'est-ce qu'elle a comme résultat, la prof d'SVT? Madame Frog, oui, c'est Madame moi. Madame Frog, oui, tout à fait. Alors, en tête de liste, nous avons Monsieur Roberto. Monsieur Roberto qui montre beaucoup de qualité en SVT. Je suis trop bon en SVT. Qui est représentant, mais on vous a pas adressé la parole, Monsieur Roberto. Vous allez rester dans votre rôle d'élève, s'il vous plaît. C'est pas faux. Nous avons ensuite... ils ont la même note... Adèle et Anna, qui stagnent à 11,5. Bon, c'est quand même pas terrible, 11,5. C'est passable. Nous avons ensuite êtes Alex, c'est ça? Alex, oui. Alex, avec un 6,5. Oh là là, c'est mauvais, c'est très mauvais, ça. Oui, mauvais, dissipé. Très bien, j'ai entendu que Alex était plutôt dissipé dans les cours. Ouais, je vous confirme. Et nous avons Anaïs qui devait... Qui, normalement, est censée... Nous n'avons pas d'Anaïs recensé dans... Vous avez confondu avec Claire. Ah, attendez, c'est la classe de 5e C. Oui, exactement. C'est Claire. B. Claire qui est normalement... a des bonnes notes. Mais qui là, je ne sais pas, elle ne s'est pas sentie, 5,5. C'est très mauvais, elle ça. Elle m'a dit pourquoi. Elle pourquoi a perdu son cochon d'Inde. Ah, ah bah le fameux cochon d'Inde, ça c'est vrai que... Non, c'est pas une excuse valable. C'était l'hamster en plus. Mais en plus c'était ça, un cours sur le squelette. En plus c'était même pas ça drôle. Ça a dû lui rappeler des mauvais souvenirs, cours sur squelette. Ah bon? Je l'ai pas. On va passer à la matière c'est suivante, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que l'on histoire a géo. Ah, bah, et madame, vous, madame la prof des étés, vous n'avez pas la moyenne générale de la classe? Ah si si si, mais elle n'est pas très probante. 10,8. Ça c'est à cause de Claire. Ça c'est Claire. Jeu de mots, c'est mon jeu de mots elle de l'année. Elle est en dépression avec son hamster. En histoire pas géo, je vais demander à monsieur Roberto. Ah oui madame. De dire les moyennes des élèves de ses. Eh ben vous savez quoi, c'est tellement simple, on a tous eu 20. Mais c'est incroyable. On est vraiment trop bon. Là, je suis désolé, je vais devoir m'adresser à la prof d'histoire géo. Je n'ai jamais eu une classe aussi... Aussi répondant aux questions. Est-ce que c'est la classe qui a répondu aux questions ou est-ce que c'est votre cours qui était peut-être un petit peu facile? Je rappelle je vous assure, on monsieur, est en cinquième. Hein. Je vous assure, monsieur, c'était très très très dur. Bon. Il y avait plein de dates. On va demander au prof d'écologie si sa moyenne est aussi haute. Alors moi, bah, j'ai Adèle qui a 11,5, qui a la même note que Xena. Bon, on est dans la moyenne. En queue de peloton, on a Claire. Alors Claire, elle nous a fait un 5 sur 20. C'est vraiment pas bien, mais en même temps, on va pas dire qu'Anna est vraiment meilleure puisqu'elle a fait un 6,5 sur 20. Par contre, Roberto se distingue. Hein. Roberto, il a 15. Donc Roberto, ouais. On peut dire que c'est un écologique dans l'âme. Peut-être qu'il sera le seul survivant sur la planète, sait-on jamais. Le nouveau Greta Thunberg. Ah voilà, c'est le nouveau Greta Thunberg, exactement. Voilà ce que j'avais à dire. Il reste le latin, il me semble. On va passer au latin, ouais. Ouais, s'il faut vraiment. Alors, que dire sur cette classe? Franchement, ouais. Ouais, je sais pas trop. Que dire sur cette matière, déjà? Oui, Alex, hein, vous avez dit qu'il était dissipé. Je vous confirme, le latin, il comprend rien. Je crois qu'il pensait trop à son cours d'SVT, apparemment. Il a eu 6,5. Hein, 6,5 sur 20. Bon, en même temps, c'est de la langue morte. Hein. Non, ne le couvrez pas. Il était très mauvais. Au moins, il retient mon cours. Oui, je crois. Bah, c'est pareil que Anna. Hein, 10, je pense que la SVT, ça l'intéressait un peu plus. C'est possible. Très bien, 10 sur 20. Oui. Après, nous avons Xena quand même, hein, qui est en tête de liste avec 16,5. Je crois qu'elle a une bonne notion du latin. Je sais pas comment elle fait d'ailleurs, parce que moi, j'arrive pas à le parler. Pardon, vous m'avez dit, monsieur le professeur. 16,5. Oui, non, c'était pas plus par rapport à votre niveau de latin que j'ai retenu, mais enfin bref, passons. Ah, et après nous avons Claire et... mais comment elle s'appelle? Adèle mais monsieur. Oui. Ils ont tous les deux eu 13,5. Et on peut pas dire mal, que ça non, soit mal. Non plus un carton plein. Hein. C'est dans la moyenne, ça passe. Disons que c'est plus que ce qu'a eu Claire. Oui, vous savez quoi? Ils ont au-dessus de 10, je les laisse tranquilles. Très bien, alors nous allons passer aux moyennes générales des élèves. Ah ouais. Oui, tenez alors... monsieur, j'ai la feuille. Je vous en prie. Alors, nous avons... Alors, c'est compliqué. En fait, faites-le. Vous, j'ai un point bonus? Non, pas du tout. Oh, je suis trop triste. Alors, j'ai la moyenne de Xena, par exemple. Alors, Xena, allons-y. Xena, tu as eu 13,3 de moyenne. Si tu m'écoutes parce que t'es pas là. T'es nul. Il faut fumé. Pas dire ça, sachant que Xena est dans une moyenne tout à fait acceptable. Je pense qu'on peut lui donner les encouragements. Mention assez bien. Du coup, du conseil faux, de classe. Oui. Mention assez bien, comme vous le dites, madame des professeur d'histoire géo. Des encouragements pour aller encore plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Toujours plus loin, et toujours plus haut. Franchement, je m'en fous. C'était les Watford, ça. Nous avons aussi, ma chère voisine Adèle, qui a eu 13,1. Ah, on n'est pas loin. Ça c'est va. Pas loin. La mention c'est assez mal, bien et de vigueur également. Eh oui, je pense que nous pouvons également encourager Mademoiselle Adèle. Oui, je pense qu'elle peut passer dans une autre classe. Hein. Elle est vachement cool, moi, je trouve. Très j'aime bien. Elle m'a partagé... Ah non, c'est pas elle. Tant pis. Elle n'a pas partagé son goûter on, avec moi. On vous dispensera de commentaires. D'accord. Nous avons Anna qui a eu 12,9. C'est pas loin non plus. Ça se défend. Après, oui. Elle n'est pas au niveau du 13. On peut malheureusement pas lui donner les encouragements. Mais c'est bien. Il n'y a que 0,2 de différence. Anna qui a un très bon 0,1. Comportement, ceci dit. C'est vrai. Elle est là dans tous les cours. Elle n'a jamais été absente. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher son comportement. Assez silencieuse, assez timide, mais sait répondre aux questions quand il y a besoin. Très bien. Bon, alors on va lui mettre quand même des petits encouragements, si on peut lui mettre des petits encouragements. Des petits encouragements. Voilà. Les petits, c'est alors. Cool, je lui dirai à la récré. Nous avons aussi. Putain, mais comment il s'appelle Alex. Alex, ouais. Oui, le très dissipé. Dissipé. Ouais. Ouais. Très dissipé. Franchement, il a beau être dissipé, il n'est pas mauvais ce bâtard. Oh, pardon monsieur. Oui, Roberto. Vous allez sortir, Roberto, si ça continue. Ce boitard, parce qu'il boite maintenant depuis que j'ai fait une béquille. Bien sûr. Il a 14,2 de moyenne. Ah, c'est bien, ça, 14,2 de moyenne. Par contre, nous signalerons quand même sur le bulletin qu'un comportement exemplaire est de mise. Oui. Il ne peut pas avoir la mention, pour le coup. Il peut avoir la mention, mais il n'aura pas les encouragements. On ne va pas l'encourager non plus mais à faire le bazar. Mais peut-être que moi, je vais l'avoir. On peut l'encourager niveau notes. Mais on va l'encourager niveau notes, bien évidemment. Il doit certainement tricher. Il doit s'améliorer niveau comportement. Exactement. Moi monsieur, je peux avoir les encouragements. Non, c'est quoi, félicitations. Alors, Roberto. J'ai eu 15,5 de moyenne. 15,5 de moyenne, on Roberto. On donne les félicitations quand même. Un petit peu de tricherie dans l'air, Roberto. Merci. Non. Non, c'est juste qu'il n'était pas là pour les alors, maths. Alors, c'est vrai que oui, j'ai pas été là souvent. J'ai loupé quand même pas mal de cours. Mais à part ça, trop on a fait les moyennes ça, de tous les élèves là. On a fait les moyennes de tous les élèves. D'accord, donc il s'avère que Roberto... Ah non, j'ai oublié Claire. Ah bah, vous oubliez Claire. Ouais, c'était pas combien Claire. Combien à Claire? Bah, Claire, en même temps, je voulais pas trop lui dire parce qu'elle a 18 quand même. 10,8 de moyenne. Ça, c'est très mauvais, ça. Oui, c'est j'avoue. Très, très mauvais, pourtant, ça. Elle participe énormément en classe, oui. Il me semble. Sachant qu'on est qu'au premier trimestre, alors oui, attention. Oui, elle participe, mais tout ce qu'elle dit est faux. Bah oui, c'est ça le problème. Elle peut participer, mais... Nous ne pouvons peut-être lui donner les encouragements, elle essaie. Non, on la défonce. On ne peut pas encourager les cons, que voulez-vous. Moi, je dirais arrêter d'être lèche-cul avec les professeurs. Bah ouais, non, puis en plus, franchement... Elle a de la merde autour de la bouche, quoi. Je vais pas vous mentir, elle est chiante, hein. À la cantine, elle me pique toujours mes yaourts. Bon, très bien, on va pas épiloguer non plus. On va tout de même faire en sorte que Claire obtienne des meilleures notes au second faudrait trimestre. Lui donner des lunettes. Mais enfin, on j'aimerais quand même... On peut pas lui enlever le fait qu'elle essaye. Oui, enfin si. Bon, si, on peut. Ah, si, on peut, clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Claire de venir au conseil de classe. Et avant, on va remettre le petit brevet d'encouragement à notre cher Roberto. Voilà le brevet qui souligne que vous avez fait un bon trimestre. Est-ce que vous pouvez lire les petits commentaires qui sont notés, monsieur Roberto? Oh, merci, Seigneur. Ah non, c'est pas ça. Diplôme, la classe des par Indestar. Ce diplôme récompense les majeurs de promo. De ce fait, vous êtes en possession de ce diplôme. Soit vous méritassiez... c'est très mal écrit, votre truc. Et vous êtes promis un grand avenir. Soit vous l'avez volé et vous finirez en prison. Très bien, bon, on espère que passer par la caisse départ. Seulement si elle a chômeur. Faut passer par la caisse départ avant d'aller en prison. Hein, quand même. De toute façon, vous serez tous un jour chômeur, qu'on se le dise, monsieur Roberto. Bah, moi, je comptais être maçon, hein, parce que... Bah, Roberto, en même temps. Carlos. Portugais. Ne faisons pas de clichés, si vous voulez. Je pense qu'on peut appeler mademoiselle Adèle. Non. Adèle. Claire. Très bien. Claire. Bon, on va me oui, tromper. C'est moi, Adèle. Voilà, Claire, entrez donc. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, bonjour. Claire. Bonjour, Claire. Je pense qu'on peut demander à chaque professeur de dire un mot sur Claire. Allez-y, monsieur Matteux. J'ai réussi mon... Alors... on se calme, mademoiselle. Si vous êtes là, c'est pas bon signe. Hein? D'accord? Donc tu redescends tout de suite. En maths, c'est une catastrophe. Vous êtes... J'ai eu 20. La meilleure. Et vous êtes quand même avec une moyenne de merde. Comment est-ce possible? Comment vous pouvez représenter les mathématiques? Comment vous pouvez avoir 20 et être de la merde à côté? On peut pas être bon partout. Je vous déteste, mademoiselle. Je vous déteste. J'ai réussi votre coup. Non, je vous parle plus. On va s'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal. On va passer à la matière suivante, tenez SVT si vous voulez. Moi, Claire, vous m'intriguez. Parce que autant vous participez énormément, mais autant ce que vous dites, c'est nul. Ni ouais, fait, ni à faire. C'est la participation qui compte. Votre hamster est mort. Cochon d'Inde. Non, c'est le mien. Cochon d'Inde. Bon, ça peut peut-être se comprendre. Moi, je vous défends, je vous encourage à continuer de participer, mais à donner des bonnes réponses surtout. Alors, nous pensions plutôt à un changement avec d'établissement pour moyenne, ne pas pourrir les moyennes, mais enfin bon, pourquoi pas, vous l'encouragez, très bien. La professeure de musique veut-elle dire un mot ou une note ? Un trou du cul. Une trou du cul, je pense que c'est un mot approprié. Lèche-cul. Lèche-cul également. Moi je dirais, la prochaine fois, je peux aller chier sans m'essuyer. Quand je sais que j'ai Claire... non, merde, comment t'appelles déjà ? Claire. Ouais, quand je sais que j'ai Claire dans ma classe, je lui fais lécher mon putain de trou de balle. Au moins, ce sera clair. Soyez pas vulgaire, s'il vous plaît, mademoiselle musique. Au moins, c'est clair. Mais si je peux me permettre, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Il y a un peu d'harcèlement, moi, un petit peu, non ? Je peux aller voir l'académie et... On s'en bat les couilles, tu vas partir. Mademoiselle histoire géo, qu'est-ce qu'elle en pense ? Eh bah écoutez, élève plutôt studieuse pour le coup, hein. Studieuse mais con, on est d'accord. Studieuse ? Tu ne sers à rien. Ah bah écoutez, moi, elle a eu une bonne note, c'est le principal... Non, le principal, c'est moi. J'ai demandé en dernier lieu au professeur d'écologie ce qu'il en pense, s'il y pense quelque chose. Oh bah moi, je vous compare, mademoiselle Adèle, à l'œuvre d'art du... à l'œuvre d'art du cousin Gugus qu'ils ont mis dans l'entrée du collège. C'est une sorte de grosse tâche, vous voyez, au milieu de la classe, qui sert à rien, mais qu'on remarque. Et qui nous fait quand même nous remettre en question de pourquoi on a choisi ce métier. Bon, après, je me rappelle du mois de juillet et août, je comprends, mais voilà, c'est vrai que sur le moment, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi ? C'est loin, juillet. Très bien, j'ai oublié évidemment le professeur de latin qui ne dit mot consent. Allez-y. Ouais, bon, bah, j'ai eu un contrôle de Claire une fois, et franchement. C'était pas clair. J'étais aux toilettes. J'étais au culvus, au cultus. Mm-hmm. Et franchement, j'avais pas de PQ, je pouvais prendre son contrôle. Hein. De PQ. Ça me servait pareil pour me torcher. Mais c'est pareil, monsieur. Alors, on vous a rien demandé, mademoiselle. J'ai eu la moyenne. Vous avez pas demandé de me torcher, mais c'est vrai que ce que vous avez écrit, c'était un torchon. J'ai eu la moyenne. C'est vous avez la moyenne, mais visiblement, vous êtes pas super dans toutes les matières. Voilà, généralement, c'est nul. Hein. En fait, je pense que pour résumer la vie des professeurs, on peut dire que vous êtes un peu l'anti-héros de ce collège, mademoiselle. Il en faut toujours un. Vous êtes un peu le maillon faible, je dirais. Le maillon faible. Et je vous dis, ça dégage. Au revoir. Je me suis désignée pour cette tâche. On t'a dit au revoir, donc tu dégages. Très bien. Nous allons clôturer ce conseil de classe. Nous n'avons pas reçu d'autres questions. Non. On ne dire au revoir. Si, moi j'ai une question. Allez-y. C'est quand qu'on recommence ? Parce que là, putain. Eh bien, je pense que le mois prochain, il y aura un nouveau conseil, mais également des nouveaux résultats que nous pourrons mettre en exergue et surtout faire ce qu'on aime le plus. Ce que l'on aime le plus, c'est-à-dire défoncer des élèves, bien entendu. Bien sûr. Alors, ça, c'est bûche. Moi, j'adore défoncer des élèves. Ouais, on a remarqué. C'est ma passion. Et voilà, c'était la toute première rentrée de la classe. Exactement. Anaïs, t'as pris cher. Non, c'est clair. Ouais. Ma Claire, t'as pris cher. C'est ça, clair. C'est clair. Ouais. Et voilà, si vous avez compris un peu ce principe-là, ce sera les principes d'émission qu'il y aura tous les mois sur Indesta. On vous tient au courant sur Facebook. Ouais, Facebook. Les réseaux sociaux. Genre. Instagram. Instagram, ouais. Facebook, c'est pas Facebook. Mal aussi. Et puis, bien sûr, le replay à redécouvrir sur Indesta.fr, toutes les applis d'écoute en ligne. C'est avec ça. Le retour. Bientôt d'une nouvelle classe, de nouveaux élèves, de nouveaux professeurs, de nouvelles matières. On va encore savoir de nouvelles choses. Bien rigoler, évidemment, c'est le principe de cette émission. Demain, qu'est-ce qui se passe demain ? On est jeudi demain. Peak Avenger. Ils ont changé le nom. Hein. C'était Peak Avenger l'année dernière. Et c'est toujours de la pop culture. Non, on a changé aussi l'habillage. Non, parce que maintenant il y a plus Teddy, donc ils sont tous moches. Ouais. Moi je rigole. Bon, on voulait pas. Oh, non merci. Plus, Oh, c'est bon. Je voulais tellement pas le dire, mais on l'a dit pour toi. Une émission. Ouais. Si je vous fais une imitation, genre oh ma biche. Bah, c'est vrai que techniquement, sans moi dans l'émission, t'as rien pigé. Ça manque si, de moi cheveux. Moi j'ai pigé, c'est Louis de Funès évidemment. Merci Linda. Ah non, j'allais dire ça manque de cheveux du coup, vu que je suis plus dedans. Oui. Ouais aussi, ouais. C'est pas faux. Mais j'étais sur mon minéral. C'est vraiment. Je me ferais des cheveux là pour le coup. Voilà. C'est une atteinte. C'est bien envoyé, je trouve. Pour le coup, c'est le thème Louis de Funès. C'est on le est thème d'accord. Louis de Funès demain, donc dès 21h, vous allez suivre les Peak Avengers. T'arrêtes avec tes vannes sur les cheveux, toi. Tu vois, je passe sous la tondeuse. Au moins, ils ont pas de cheveux. Je sais pas s'ils m'écoutent, mais en tout cas, je leur fais des bisous. Oui. Et vendredi je crois pas eux. Hein. Vendredi, qu'est-ce qui se passe, Linda ? Ah, bah, il paraît qu'il y a une émission débat. Une émission la débat. La première de la saison. Donc émission spéciale vendredi, pareil, ouais. 21h, et on va se réunir autour d'un enfant. Enfin, autour des enfants. Ouais. C'est un peu pédophile, ça. Le sujet, les enfants, parce que. Oui. Ouais. Alors non, c'est pas le but, Angie. On va parler des enfants. C'est ça. Ouais. Et on voilà. va débattre sur différents sujets, des sujets forts. Je sais pas ce que je fous là, moi. Théo, tu seras là? Bah oui, pareil. Mais oui, mais si. Je serai peut-être éventuellement là. Oh, mais oui, sujet. Mais on a tous une opinion et ça va être c'est le ça. Moment de la déballer. Mono minéral. Vous avez tous un avis, même si vous n'avez pas d'enfants, peu importe, vous avez un avis. Ouais, ouais. Ah oui, bah oui, ça, on a un avis. Donc, ça va être tranché, mon avis. Hein. Ah non, on a dit. Ça va être tranché aussi. Pas trop puissant, on a dit. Allez. J'allais défoncer. Voilà. Enfin, surtout moi, il faut que je sois neutre. Il y a une chanson de Didier Super que j'aime bien, on pourrait la mettre. Eh ben, ça dépend. Non. Pourquoi ça dépend, non, parce qu'à mon avis, Didier Super, ça va peut-être pas correspondre. Bah, Didier Super, la chanson s'appelle « Les enfants, ça sert à rien, faut les brûler comme au Brésil ». Je crois que c'est le titre de la chanson. On l'a pas écouté sur YOLO Music, ça. Si, on doit l'avoir dans les YOLO Music. Brûler comme au Brésil. Théo, écoute, tu vois ça avec mon réalisateur, c'est pas moi qui gère. D'accord, très bien. Ouais, je mets pas de Didier Super. Hein. Brésil ou Allemagne? Il y a de la bonne musique sur Indestar, Amel. Ouais. Oui, on va vous laisser avec DJ quoi. DJ What qui do... DJ quoi. Bah quoi? Quoi? Quoi? What fais do la you vanne want à chaque fois. What do you want? Yes. Non, c'est what do you mean? What do you non, mean? Ça, c'était Justin Bieber. Justin Bieber. On vous fait des gros bisous. Des bisous. Et on vous dit au mois prochain. Ciao, bonne soirée.